Bon les gars, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir, hein, Mike? Je sais pas, je suis malade. Ouais. Pizza? Ouais. Hamburger? Ouais. Jus de Bruxelles et épinards. Oh non. Crêpes Nutella banane coco, confiture chantilly, sucre glacé. Ouais. Bah je sais pas, moi Mike, toujours pas d'idée. Hein. Non, la galette c'est demain. En 2005, l'ouragan Katrina ravageait la Louisiane. Florence Aubenas était en jeu. Ahmadinejad était élu président. Et Indochine sortait un album. Mais la pire catastrophe, c'est l'arrivée de Mickaël sur Énergie. Cinq ans après, ils sont toujours là le soir. En 2010, le drame continue de 21h à minuit. Sur Énergie. Non, ça va, c'était pour rire. Ouais, c'est drôle. Ouais. Je peux pas être malade tous les soirs non plus. Hein? Surtout que là, l'année dernière, c'était long, là, la maladie. Non, la gorge. Bah, moi, oui. Je sais que j'étais malade. Là, ça va, je suis pas malade. Fatigué encore, mais pas malade. Tiens, numéro le retour. Oui, non, parce que là, je me plains pas. Oui, bon. Ça va venir. Tu te plains pas, mais tu trouves le moyen de plaindre de l'année dernière. Oui, bah oui. Donc, tu te plains. Mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, tout le monde, dans le froid polaire. Ouais, c'est la neige, là. Ça arrive. Enfin, oui, dans le nord, en tout cas. C'est dans le nord-ouest, hein. C'est dans le nord-ouest qu'ils ont lancé pour demain des emmerdes, là, au niveau de la neige. Je crois que Paris aussi, hein, demain. Ouais, Paris aussi, ça va tomber un peu, mais comme ici, comme d'habitude, ça va être noir, quoi. Ça va être de la neige, dégueu. Ce qui est énorme, par contre, c'est que moi, j'habite à quoi, à 2 km du périph. Non, 100 mètres du périph. Non, mais enfin, je veux dire, là où est ma voiture. Et donc, entre le moment où j'ai pris ma voiture et le moment où je suis monté sur le périph, j'ai gagné 2 degrés. Ah, bah alors ça, c'est une information. Non, mais en fait, il y a tellement de pollution. Grâce à ça, va passer un communiqué super. Là, en fait, il y a tellement de pollution à Paris que. On savait pas. Non, mais oui, de toute façon, on est sur le périph', il y a toujours 2-3 degrés de plus, cela dit, en passant. Bon, donc, on parle de neige tout à l'heure. Voilà. Si après, vous avez vécu des galères aussi, comme l'année dernière, justement, au niveau de la neige, hein, si vous vous êtes pas dit, tiens, au mois de janvier, il y a quand même beaucoup de risques, il neige, on va quand même prévoir un truc. Comme les mecs qui avaient fait du snow à Marseille. Ouais. Aussi, ah, donc bon, ça, ouais. Encore à Marseille, c'est, tu vois, tu t'attends pas forcément à ce qu'il y ait de la neige. Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc tandis qu'ici, dans le nord, si tu veux, en théorie, tu t'y attends, quoi. Bon, donc 612, débutez votre message par Énergie, puis vous laissez votre numéro de téléphone. On parlera aussi des salaires, des séries françaises. Ouais, des acteurs, les actrices des séries françaises. Ils se gavent, hein, c'est pas les. Ah ouais, c'est pas les États-Unis, mais voilà, ils se gavent bien, ouais. C'est pas les US, mais ils se gavent quand même pas mal. Ça va, quoi. Mimi Mathy, je crois qu'elle prend cher. Hein. Bah, Mimi Mathy prend cher, ouais. Ah, elle cartonne sa série, hein. Ouais. Moi, j'ai essayé de calculer au centimètre ce que ça représentait. Ah, bah, ça fait cher le centimètre. Bon, on en parlera tout à l'heure, hein, cela dit. Et puis, on parlera aussi des morts les plus cons de 2009. Ceux qu'on remercie d'être morts. En fait, ils ont tellement bêtes qu'il y a un moment. Enfin, c'est des morts tellement cons qu'il y a un moment, tu peux pas te dire. Tu vas avoir de la peine, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, mais c'est pourri, quoi. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'aimerais pas avoir une mort con. Ah oui, ça, je te confirme. Bon, il y avait un mec, apparemment, qui a voulu faire un braquage et qui s'est. Qui s'est mort dans son bras. Ah oui, non d'accord, en fait, ok. Qui s'est aspergé de peinture dorée. Ouais. Et bah, du coup, il s'est asphyxié avec. Ouais, voilà. Oh là là. En gros, il est mort, hein. C'est... Mais après le braquage, il a quand même réussi à braquer. Hein. Ah non, c'est avant le braquage, c'était pour pas se faire reconnaître. Il a non, ça, oui, mais il est décédé après le braquage. Ah, peut-être, ouais. Ah oui, si, j'ai eu l'info. Donc, il est décédé après le braquage. Donc voilà, c'est con, c'est des morts à la con, mais bon, ça arrive même au meilleur. Et puis ce soir, on prend encore, comme hier d'ailleurs, l'opération Bliss, donc avec le séjour sportif pour 3 personnes, avec transport au centre UCPA à gagner. C'est l'occasion de la sortie du film Bliss, ce sera demain dans toutes les salles de France, si vous voulez vous inscrire. 612, débutez votre message par Énergie, puis vous mettez Bliss avec votre numéro de téléphone. On a des lecteurs Blu-ray aussi à vous filer avec le Blu-ray ou le DVD de Inglourious Basterds. On a aussi, pour fêter la nomination de Lady Gaga au Energy Music Awards 2010, donc on va vous filer en exclu son casque Monster Beats, c'est le modèle qu'elle porte dans Love Game, dans le clip de Love Game, ouais. Moi je parie qu'elle va gagner tous les trucs où elle est nominée au Energy Music Awards. Je sais pas. C'est obligé, la meuf fait un carton de ouf. Bon, le casque donc Her Beat by Lady Gaga de Monster Beats, et puis les compil Energy Music Awards 2010 à gagner dans le question pour une réponse, le chéri je t'ai fait cocu, ou encore le jeu des amis qu'on fera dans quelques instants. Et puis, beaucoup de gens prennent de bonnes résolutions pour le nouvel an. On en avait parlé hier. On en a d'ailleurs heure. On va d'ailleurs en reparler aussi ce soir. Mais ce soir, on va trouver quelque chose de différent. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre les mauvaises résolutions? Alors, qui s'est dit qu'il allait prendre de mauvaises résolutions cette année? Roux. Bah, je vais continuer de fumer. Ah bah oui, t'as fait. Ouais, je suis... ouais. Ouais, mais c'est pas prendre une mauvaise résolution, c'est ne pas prendre une bonne. Ouais, c'est ça. Oui, ah, oui. Oui, d'accord. Tu vois? Ouais, c'est vrai, Tox. Mais moi, je ne prends que des mauvaises résolutions, de toute façon. Donc, j'ai décidé de rester habillé pareil. J'ai décidé de pas changer de coupe de cheveux. Par contre, j'ai compté sur ta tondeuse que t'allais acheter aujourd'hui pour me raser, parce que ma tondeuse est toujours dans ma valise et ma valise est toujours, je sais pas où. Oh, dommage. Donc, tu l'as pas acheté alors? Non. Parce que tu devais l'acheter aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai eu la flemme et c'est comme pour le coiffeur, je me suis dit non, pas aujourd'hui. Ah oui, parce qu'on est mardi aujourd'hui, hein. Et pourtant, le coiffeur n'est pas fermé le mardi. Non, mais lundi, j'étais motivé, mais il était fermé. Et puis aujourd'hui, j'avais la flemme. Donc peut-être demain. C'est ça, d'accord. Sandro, mauvaise résolution? Ah bah, moi, c'est le régime, hein. Pour moi, c'est une mauvaise résolution, hein. Mais parce qu'elle va pas le tenir. Jack, résolution? Pas mauvaise. Ouais, je pense que je vais essayer de me pointer plus tard à la radio. Oui. Ah, c'est vrai, mais ça va. Pour nous, c'est une bonne résolution. Bah, tiens, hein. T'es mignonne. Je vais fumer une clope en studio. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans un lieu public. Bah, essaye. Ah, c'est interdit. Essaye. Un studio, mais le studio de là où habite Micha. Ah, oui, dans son studio. Oui, bien évidemment, ouais. Bon, bah, sinon, effectivement, il y a déjà une petite liste de résolutions. Hein. Bah, il y avait fumé aussi, hein, pour puer de la gueule. Ça fait partie des mauvaises résolutions, voire les dents jaunes. Ah oui, je sais pas si vous avez regardé Pornhub tout à l'heure, mais il y a un mec, en fait, un exploitant de bar qui a décidé de se mettre à fumer. C'est-à-dire qu'en fait, il fumait dans son bar. Non, pas dans son bar, en fait, avec des médecins et tout, pour voir qu'est-ce que ça lui ferait sur son corps, tu sais, comme Super Size Meal. Ah. Et donc, il a dit qu'il allait fumer 2 paquets par jour pendant 1 an. C'est ouf le mec. Ouais. Surtout qu'il va devenir accro en plus. En plus, ouais, parce qu'à 2 paquets, le mec il arrivera jamais à arriver. Après. Deux paquets, faut vraiment être motivé. Ouais, c'est chaud. Surtout être débile quand même. Mais, oui, déjà faut être débile, mais surtout quand tu fumes pas. C'est surtout ce qui est drôle, c'est que son bar, c'était le premier bar de Paris à être totalement non fumeur. Quel idiot. Et après, il a décidé de faire le premier bar fumeur quand il y avait l'interdiction de fumer. Enfin bref. Donc il veut casser les couilles. Ouais, c'est juste pour emmerder le monde quoi. Bon, sinon il y a mal bouffé aussi pour grossir, avoir des boutons. Fumer les dents jaunes, ça c'était plus pour le roux. Mal bouffé, c'est plutôt pour. Ah, et pas dire Sandro, il bouffe n'importe quoi. Oui. Qui mange mal? Moi je mange mal. Voilà, à l'ami, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Faire cocu sa meuf ou son mec? Bon, ça, tof, c'est pour y parler. Oui, parle, hein, mais ça, c'est pas une résolution, c'est une continuité. C'est ça. Bon, si vous avez aussi de mauvaises résolutions, vous avez décidé de les prendre, ces mauvaises résolutions, ben, venez nous en parler. 612, débutez votre message par énergie, puis vous laissez votre numéro de téléphone et on en parlera, bien évidemment. Vous êtes les bienvenus aussi sur le fanbook de l'émission, si vous voulez venir sur. Le fanbook ou sur le Twitter, eh ben n'hésitez pas, mikl.fm, vous cliquez sur la communauté et comme hier soir, et comme l'année dernière aussi, le répondeur qui marche, je le petit rototo, 01 40 71 3400, écoutez les messages. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Bonne année 2010, bonne année 2010, et le meilleur. Bonne année 2010. Fin du message. C'était pas obligatoire. Hein. Suivant. Yo, l'équipe, bonne année 2010. Sauf pour, vous savez, le premier ministre italien à moitié noyé nazi. Ah ouais, voilà, Sergio. Ben, depuis qu'il a fait la blague là, avec Barack Obama et sa femme, qu'il avait bronzé sur une plage, et ben, dans les jours qui suivent, il y a un gars de l'Italie. Enfin, parce qu'il était rien, a pris une statuette. Et qu'est-ce qu'il en a fait, à votre avis? Eh ben, il l'a foutu dans la gueule de Sergio, le pauvre. Sergio. Il avait le pif tout défoncé, il avait du sang sur le visage. C'est pas un pizza, oh là là, c'est ça, l'Italie. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut, c'est pour demander à Micha ce qu'il a pensé de l'album de Sam's. Un nouveau jour, un nouveau billet. C'est, franchement, je l'ai écouté, il est trop frais cet album. C'est trop du lourd. Donc merci à Pedro Meur, fait découvrir. Fin du message. Message suivant. Si toi aussi, tu écoutes les Beatles, il y a une application pour ça. Si toi aussi, tu aimes fumer de l'herbe, il y a une application pour ça. Si toi aussi, tu aimes chanter avec ta guitare au coin d'un feu de camp, il y a une application pour ça. Hippie. Uniquement pour la zone. Fin du message. Message suivant. Pour 2010, je souhaite à toute l'équipe le meilleur, la santé, l'amour, la joie. Blablabla, ça. C'est que des conneries tout ça. Foutaise. Moi, je vous souhaite plutôt des parties de jambes dans l'air incroyables, incendiaires, des orgasmes inoubliables à t'en faire, des infractus, n'est-ce pas, Tosh? Des infractus. Que tu travailles la moitié et qu'on te paye le triple. C'est pas vrai, Michael? mille de plaisir et que tu gagnes l'auto pour devenir millionnaire, Micha. À tous, mais je vous souhaite une super année 2010. Bye bye. Fin des nouveaux messages. Bon, merci pour le bonne année, mais le hippie vient. L'application hippie, ouais. Ouais, le hippie est pas mal, évidemment, Sandro Mire. Bon, 612, si vous voulez lâcher vos messages, et puis retour demain du répondeur au 01 40 71 3400. On fait gagner hippie, Micha. Oh, ah, il allume même plus son micro maintenant. Ah, c'est pas moi qui allume. Ouais, c'est ça. Qui ouais. Allume, ça, il est mort bourré en plus déjà. 21h10, il picole, hein, ça c'est sûr. Enfin, bon, au niveau de la zique ce soir, on mettra le son de Diams avec Cœur de Bombe. On aura aussi les Tokyo Hotel avec World Behind My Wall. Qu'est-ce qu'on aura aussi je regarde en même temps, je découvre hein, en même temps que vous. Hop là, je tourne les feuilles. Et oui, il y a beaucoup de feuilles ce soir. Class The Way, on aura, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Stromae aussi, le son que je vous avais fait découvrir il y a 3-4 mois là. Le son belge. Avec Alors on danse. Alors on danse. En gros, c'est ça. Hein. Bon, et puis on mettra là, du tout son. Ça donne envie de danser, ouais. Grâce au tanan. Mm-hmm. Ouais, je sais. Ouais. Alors, on se mettra aussi du son rock US comme d'habitude, comme tous les soirs. Et puis The Black Eyed Peas qui arrive avec Meet Me Halfway. C'est juste après la pause. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Michael engueule son équipe hors antenne. Et l'émission revient juste après ça. C'était le son de Black Eyed Peas à l'instant avec Meet Me Halfway. On se fera tout à l'heure un petit jeu des amis. Si vous voulez vous inscrire d'ailleurs au jeu des amis, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez ami avec votre numéro de téléphone. Voilà. Bon, et bonne nouvelle, Sandro. J'en étais sûr que t'allais en parler. De quoi ? De quoi ? Vas-y, non, vas-y, vas-y. Quand tu me parles. Non, vas-y, enchaîne. Non, je disais bonne nouvelle, ils ont mis une grosse caméra devant ma tranche là, donc du coup t'as un angle mort où je ne vois pas ce qu'il y a sur ton sur ta table, donc l'iPhone par exemple. Oui, voilà, j'avais bien compris que tu allais en parler, mais je sais pas si tu as remarqué, il n'est pas là ce soir. Si, il est juste à côté de toi. Oui, enfin, il n'est pas devant moi. Ah, si, tu étais en train de jouer avec tout à l'heure, tu te fous moi. Félicitations. Oui, mais pas là, tout de suite. Hein. Ouais, ouais, pas là tout de suite. C'est normal, t'es en train de regarder du rugby. Faut savoir féliciter ses employés quand même du de temps en temps. Du rugby, c'est quoi en fait? Du foot américain. Ah, du foot américain. Non, mais moi je regarde, c'est un truc qui m'emmerde. Le rugby et ça, c'est chiant. Ouais, ouais, ça se voit quand même la différence. Le rugby, ça dépend, mais là, c'est vraiment c'est impressionnant quand même. Ah non, c'est, ouais. Franchement, ça dure trop longtemps le foot américain. Oui, non, mais déjà que ça dure trop longtemps, mais en plus, non, franchement, c'est un truc qui m'emmerde. Je sais pas, toutes les. Allez, 10 secondes, il s'arrête. Oui, ça c'est vrai. C'est insupportable. C'est vrai, effectivement. Et surtout quand tu vas voir leur coupe de l'année là aux États-Unis. Super Bowl. Le Super Bowl. Ah oh, ouais, ça dure 8 heures. Ah, c'est trop long, c'est trop long. C'est horrible, t'as de la pub tout le temps, il faut toujours qu'ils s'arrêtent. Tu me diras, ils se mettent des canards dans la tranche qu'avant il faut s'arrêter. Hein. Ah, il faut s'arrêter de temps en temps. Mais bon, c'est bien, profitons, nous avons Sport Plus. Ouais, voilà. Ah, c'est vrai. Il faut avoir un souci à la base pour faire ce sport quand même. Ouais, franchement, je pense. Hein. Mais je crois que c'est encore plus violent que le rugby. Je sais pas, mais le rugby d'avant, non, le rugby d'aujourd'hui peut-être. Je sais pas. Je pense que c'est plus violent du fait qu'il ait des combinaisons. Les combinaisons, ouais. Ils ont un casque qui est combi quand même. Hein. Ouais, franchement, mais ça a l'air d'être. Faudrait mettre au tof au milieu. Mais je crois qu'il y a plus de choc. Mais tu le décapites, tu le coupes en deux. Si tu le tof au milieu, je vais mourir moi. Mais un mec pour entraîner, il peut mourir avec un. Ah oui, pour entraîner, oui. Non, pour entraîner, oui, c'est clair. Bon, on parlait de la nouvelle année donc hier avec les bonnes résolutions. On en parle ce soir avec les mauvaises résolutions. S'il y en a qui ont décidé d'en prendre des mauvaises. On en avait parlé tout à l'heure. Faire cocu, manger mal, fumer. Qu'est-ce qu'il y avait aussi boire de l'alcool, donc être bourré, ne pas se rappeler de ce qu'on a fait, prendre des risques inutiles. Continuer à pas se laver. Pas se laver. Ouais, mais alors tu peux dire que c'est une bonne résolution parce que t'es écolo, tu vois, tu peux te rattraper encore. Ouais, c'est une bonne résolution. Je vois pas le plaisir qu'on trouve à pas se laver par contre. Bah, économiser l'eau. Demande à Roux. Voilà. Non, économiser l'argent. Parce que Roux, je pense pas qu'il pense à l'eau, il pense d'abord au pognon. Donc ouais, ça fait partie de ça. Donc si vous en avez des messages hein, à propos des mauvaises résolutions, donc 612, débutez votre message par énergie, puis vous laissez votre numéro de téléphone. Oui, frappez ses collègues aussi. C'est une mauvaise résolution. Et donc chaque nouvelle année, il y a aussi, puisqu'on en parlait de la saleté, des mochetés, tout ça, les magazines du monde entier qui aiment bien faire leur petit classement sur tout et n'importe quoi. Et donc, en 2010, évidemment, ça ne change pas, la règle est la même, puisque le magazine britannique GQ vient de sortir son palmarès 2010 des personnalités, les moins bien habillées du monde. Atof est arrivé premier. Non, je n'étais pas dans le classement, j'étais très déçu. Je me suis vraiment inquiété quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, putain, petit pull et tout, tranquille, le t-shirt blanc qui ressort, pantalon à pinces. Et après, j'ai toujours pas compris pourquoi tu mets des pompes de skate avec ça. C'est ouf. Bah, c'est son style, il est original, voilà. Il est unique. C'est juste pour le confort. Non, mais c'est comme si un mec. Oui, alors, mais un jean. Il venait avec un baggy, des pompes en tongs et il mettait une cravate. C'est pas logique. Ouais, j'avoue que c'est non, parce que c'est pas confortable une cravate. Non, mais arrête. Non, mais oui, il les sert trop. Ouais, ça, c'est possible aussi. Bref. Bon. Attention donc, le palmarès 2010 est sorti. Nicolas Sarkozy qui est en troisième position. Hein. Ah, quand même. Troisième place des hommes les moins stylés. Et JQ, donc, qui n'y a pas de main morte, estime que le président français devrait peut-être passer moins de temps à se préoccuper de sa ligne et plus à se concentrer sur son style. Et il est toujours en costard. Ben, c'est des merde apparemment. J'ai vu un diaporama avec tous les fringues qu'il avait. Il y a des fois où tu le vois, il est habillé en cow-boy. T'as aussi ses tenues quand il a fait cow-boy. Cow-boy. Jogging, ouais, quand il a été aux États-Unis là avec son. Ah oui, mais c'est parce qu'il s'est habillé local ça. Ouais, ouais, genre le jean jusqu'au-dessus du nombril. Ouais, et tout, voilà. Et alors, il a des dans le pantalon. Ouais, le flingue, non ? Non, non, non. Il a des vestes trop grandes pour lui qu'il met avec un jean. Il a les chaussures à talonnettes. En même temps, ça va vite, hein, les vestes trop grandes pour lui. Ouais, ouais. Bah, surtout s'il prend celle de Chirac. S'il en reste dans le garde-robe. Maintenant, ils en font pour les enfants, donc. Ouais, il devrait trouver sa taille. C'est vrai. Il mesure combien ? Sarkozy ? Je sais pas. 1m68 ouais, comme ça, ouais, ce que j'allais dire, 1m65. C'est dur. Hein. Ouais, t'imagines, tu le vois, tu regardes par terre. Ouais, quand t'es président de la République, être petit, ça doit pas mais être. Mais c'est facile. Peut-être grâce à cette petite taille que ça l'a amené jusqu'ici. Hein. Ouais, c'est un hargneux. Ouais, ouais, c'est vrai. Regarde, Pedro. Ouais, mais Pedro, il est dans le bureau, il est pas dans le bureau. Il est quand même, hein. Ouais, oui, ça c'est sûr, ouais. Bon, deuxième du classement, c'est le comédien Russell Brand, donc c'est le nouveau chéri de Katy Perry. Ah ouais, j'ai vu ses photos, c'est une catastrophe. Ouais, genre, il a tapé apparemment. Des blazers en velours, oh. Avec des chemises à carreaux en dessous. Oh. Ah, il est dégueulasse, lui. Mal rasé. Et en fait, on dirait un Texan, franchement, ça, ouais, ça passe à s'habiller, il lui manque juste le chapeau de cow-boy. Hein. Mais ah. les chemises en carreaux, c'est la même canadienne. Non, beaucoup moins belles. Ah. Elles ont encore moins de style que celles du rond. Tu sais, genre chemise à carreaux façon nappe de pizzeria. Ah oui, sympa, ouais. Ah, très sympa. Bon, et l'homme le plus mal habillé du monde en 2010 n'est autre que... Et on reste dans la politique, hein. Ah, mais c'est généralement les politiciens, ils ont pas de goût. Jean-Louis Borloo ? Non, Gordon Brown, le premier ministre britannique, un pur produit du style british. Selon JQ, voilà, en gros c'est ça. Ouais. Et puis sinon, les hommes les mieux vêtus, l'acteur anglais, donc Robert Pattinson qui occupe la première place. Ah, mais qu'est-ce qu'il est moche. Bah oui, enfin, bah heureusement qu'il est bien sapé alors. Non mais c'est pas vrai, il est pas bien sapé. Il est sapé comme toi et moi, ce mec-là. Ah écoute, apparemment il est bien sapé. Donc c'est les deux créateurs de Dolce & Gabbana qui le qualifient d'extrêmement élégant et enthousiasmant, la vraie essence de l'homme contemporain. Contemporain, pardon. Ouais, par contre, je suis pas sûr que Pattinson mette les mêmes chemises que le roux. Oui, après ça c'est. Ouais, je suis sûr que c'est. Mais franchement, j'avais vu un reportage sur lui, ça a l'air d'être un crasseux quoi. Non, c'est pareil, le mec ouais, à l'arrache quoi. Je sais plus, il y avait des acteurs qui avaient tourné avec lui qui disaient qu'il puait de la gueule, qu'il puait tout court. Ouais, mais bon, encore ça n'a rien à voir avec les fringues, tu vois, il pue de la gueule, il y a peut-être un problème, j'en sais rien moi. C'est sa fête ce soir en plus, en tout cas, au mec. Hein. Voilà. Comme ça, il pue de la gueule à un moment parce qu'il avait un truc pourri à l'intérieur là. Ouais, j'ai dû faire un traitement. Ouais, c'est des trucs. Que je devrais reprendre, je crois. Ah. Donc, en fait, le traitement, t'as juste mis du désodorisant sur le truc pourri, mais le truc pourri, tu vois. Non, justement, c'était pour évacuer. Ah, c'était. Ah, très bien, d'accord. Okay. Il est revenu. Ça, c'était pas l'odeur que t'avais au fond de tes chiottes. Parce que sinon, c'est la même odeur que t'as au fond de ta bouche. Hein, bon, et donc, du coup, je me suis dit qu'on allait faire notre petit classement aussi des mecs les plus mal sapés de l'équipe. On va donc tous se prendre en photo et c'est vous tough. Pourrez aller voter sur le site donc sur amical.fm pour élire l'homme ou la femme le plus mal fringué de l'émission. Tronqué, c'est que sur un jour, tu vois. Ouais. Bah oui, une galère jolie. C'est pas vraiment à mon avantage moi ce soir. Je suis un peu dégoûté. C'est y a Micha. Y a Micha qui est habillé en gangsta. Ouais. Casquette noire, haut de football américain, c'est mon pantalon noir. Il me taille à cause de mon pantalon. Non, c'est pas vrai. Si. Non. Bah parce que t'étais pas là dans le bureau, mais je t'ai taillé. Tu me tailles à cause de mon pantalon. Mais non, il était pas là dans le bureau. Non, mais c'est à cause de ses pompes. Parce qu'en fait, il a des pompes rouges et bleues et blanches. Déjà, il fait du 53 et en la plus. France. Et il est, mais non, mais il était habillé tout en noir. Oui, et alors ça fait juste un peu de couleur au pied, qu'est-ce qu'il y a? Un peu de couleur au pied. Qu'est-ce qu'il y a? Il supporte 10 équipes différentes, quoi, selon la casquette, le polo. C'est pas trop, tu vois. Mais c'est juste sa gueule. Il a un t-shirt violet, il a du rouge sur les cheveux, il a du marron. Du rouge sur les cheveux. J'ai pas marron, j'ai le du mec, noir. C'est l'arc-en-ciel. Du noir et du violet. D'accord. Du noir et du violet. Le rouge, c'est l'arc-en-ciel, mais de mauvais goût. Ouais, non, attends, ça va ou ça va? Ce soir, ça va. Ouais, non, pour l'instant. Oui, enfin, le mieux but de l'équipe, faut pas t'enflammer non plus. Ce soir. Même pas. Si. N'abuse pas non plus quand même. Si. Moi pas. Je trouve pour le coup ce soir si je regarde tout le monde c'est Roux qui est le mieux habillé. Bah oui. C'est vrai, c'est toi qui lui as payé toutes les fringues. Oui, déjà, effectivement, c'est toi qui lui as payé les fringues. Mais pas du tout, il y a besoin de moi quand même. Je t'assure que ça. Il y a un polo, on dirait qu'il vient avoir un 20/20 en maths. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, t'as eu une bonne note, on t'a fait un cadeau. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Un 20 sur 20 en maths. Ta mère qui l'a offert? Mais non, je me le suis acheté. Oh putain! Mais défonce ce polo! Attends, toutes ces économies sont passées. C'est ça qui nous étonne! Ouais, ouais, c'est ça. Comment ça se fait que t'es bien sapé? Ah oui, d'accord. Oui, là, je suis content que tu sois étonné. Ah oui, c'est ça, ouais. T'enflamme pas non plus, va. Bon, on va faire des photos, on va les mettre sur amical.fm, puis vous nous donnerez vos avis dans quelques instants. Voilà, tout simplement. Et puis, on va se faire le jeu des amis dans pas longtemps. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez amis, et on revient dans moins de 3 minutes avec avant 10h le son de Diams. On tentera de stopper la crise économique. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Et le monde tentera de mettre fin à la grippe A. L'épidémie s'étend, l'urgence est débordée. Et sur Énergie, Mickaël tentera de faire encore plus con tous les soirs de 21h. On va essayer, hein. C'est pas gagné, mais on va essayer. Bon, sinon, au niveau des mauvaises résolutions, on en parle depuis le début de l'émission. Hier, c'était les bonnes, aujourd'hui, les mauvaises. Alors, il y a un message que j'ai reçu. Bonjour, moi je veux tromper ma femme, aidez-moi, je suis de Joinville en Haute-Marne, voici mon numéro de téléphone. Sur la liste. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est le mec? Il veut savoir comment faire. Non mais c'est dingue quand même. Bon, ma mauvaise résolution c'est de pas arrêter de vous écouter. Oui, bon, c'est le principal, hein, cela dit. Hein. Attends, c'est quoi, sans déconner, faut arrêter de se foutre de la gueule de... Oh là là, Robert Pattinson, vous allez arrêter de nous saouler avec ça là. C'est non mais si vous avez pas d'humour, il y a un moment faut. Et puis en même temps, c'est même pas d'humour, c'est vrai. On a pas dit qu'il est mauvais ou qu'il est pas bon acteur ou tout ce que vous voulez. On a simplement dit que il y a des gens qui ont dit qu'il pue sa mère. On n'y peut rien. Voilà. Non mais voilà. Il fait crasseux. Après, il l'est peut-être pas. Mais c'est ça. Bon, sinon les mauvaises résolutions, de faire super chez mes parents et de taper mon petit frère. Ouais, effectivement, c'est une idée, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Moi je sortirais avec 3 meufs à la fois. Comment déjà une, hein? Ouais, ouais, c'est pas mal. Commencer à brancher avec les profs. Ma mauvaise résolution, c'est de ne pas prendre de résolution. Tiens, on a fait la même hier, tiens. Ouais, c'est une bonne résolution. On parlait des bonnes résolutions hier, tiens, c'est bizarre, effectivement. Bon, et les mauvaises résolutions, on en parle avec Estelle qui est là maintenant de Toulon, 30 ans. Salut Estelle. Eh, hey, bonsoir Mickaël. Hey, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis contente de vous avoir. Bah écoute, on est content de t'avoir également. Estelle, sois la bienvenue. Alors Estelle, quelle est ta mauvaise résolution? Toi, t'as prévu quoi pour cette année 2010? Écoute, moi je pense que je continuerai à fumer largement. Bravo, très bien. Je sais. Mais tu fumes combien de paquets, toi? Une solution de facilité. Oh, je fume bien un paquet par jour, il y passe. Oh là là là là. C'est beaucoup, ouais. Mais c'est ça quand t'as commencé à parler, cette odeur dégueulasse sortait de ta bouche là. Non, ça c'était moi, ça rien à voir. Pas mal et tout en plus. Cette odeur de cendrier comme ça, de tabac froid. C'est clair. Donc, en fait, si tu veux, donc voilà, je continue à fumer tout simplement parce que ça me détend, en fait, tu vois, ça me déstresse vachement. Voilà, donc ça me rend toujours dingue, moi, qu'on n'a pas le droit de fumer dans les bars, dans les pubs et tout. Ouais, dedans, ouais, c'est normal. Je sors, je me gèle, mais je fume s'il faut. Le souci, c'est que, en fait, moi, je taffe, en fait, si tu veux, donc dans un hosto, en tant qu'aide-soignante, et ça y est, c'est interdit. Ah, ça, c'est un truc. Je fais une parenthèse, mais il y a un hôpital à côté de la radio, donc parfois quand tu vas chercher à bouffer, tu passes devant et tu vois tous les médecins, enfin pas tous, mais genre, une partie des médecins, les infirmiers et les infirmières qui sont là en train de fumer dehors. C'est surtout que c'est une clinique spécialisée dans les maladies pulmonaires. Non mais c'est dingue. Mais quand je suis allé voir un pneumologue, il m'a dit qu'il venait juste d'arrêter de fumer. C'est ouf. C'est improbable. Mais si tu regardes dans les hôpitaux, tu sais, maintenant je crois qu'il n'y a plus, mais avant t'avais la zone fumeur juste avant de rentrer dans le service pneumo. Non mais c'est incroyable. Au tout début de la enfin au tout début non mais il y a quelques années aux États-Unis c'était des médecins qui faisaient la promotion de la clope, c'est-à-dire qu'ils faisaient des pubs à la télé en disant ouais, c'est vrai, ouais. Docteur machin, il fumait est bon pour votre santé. Quoi? Voilà, ouais. Ouais, ouais, au début ouais. Les premières pubs à la télé pour la clope, c'était ça. Ouais, c'était les compagnies de clope en fait qui payaient les gens et qui payaient les médecins. Non, c'est vrai hein. Ils vont c'est trop loin les Américains des fois. Non mais c'était au début il y a 50 piges quoi. Dans les avions tu pouvais fumer aussi. Ouais, dans les avions aussi tu pouvais fumer. Partout en fait. Hein. Ouais. Moi j'ai connu encore un avion où on fumait dedans. Moi j'ai juste un où on pouvait fumer à l'arrière. Parce qu'au final, le changement de chevrier, t'avais dans une cabine, fumeur, donc tout arrive. Ouais, hein. Ouais. Tout revient à l'avant. Hein. Là, c'est vrai que ça fait bizarre quand j'ai vu le film Mérine avec Vincent Cassel. Oui. Et dans le film, vu que c'était à l'époque, bah, il fume dans l'hôpital quoi. Oui, oui. Les couilles. C'est dingue quand même. Ouais, moi ça me choque aujourd'hui. Tu veux que je te dise un autre truc qui te choque, qui m'a choqué, c'est que la peine de mort en France, elle a été abolie il y a 30 ans. Ouais, c'est le dernier guillotiné, c'est 1976, je crois, par là. Ouais, c'est vrai, ça fait pas si longtemps que ça. Une autre question par rapport à la clope, parce que comme j'ai jamais fumé, je sais pas, est-ce que le fumeur, il sent qu'il pue de la bouche, ou pour lui, il a une odeur normale et que tout va bien pour lui? Hein? On me dit, je le sens pas, mais on me le dit, tu vois. Ah oui, c'est pas pire. Je dis, ah, putain, vas-y, t'en veux qu'à le droit, je suis mal et tout, tu vois. Donc, attends, récemment, je sortais avec un gars, s'il te plaît, qui me l'a dit en pleine gueule, alors, c'est le soir et on se couche et tout, tranquille et tout. Je vois, après, je vais pas l'embrasser. Il me fait, ah non, franchement, c'est pas possible, tu peux pas l'embrasser. Ouais, tu peux, hein. Oh, ouais, donc, ouais. Le gars m'a plaqué et tout. Je serais plus dégoûté. Ouais, ouais, il m'a plaqué. Ouais, ça, c'était la bonne excuse, alors. Bah, il fumait pas, en fait. Il détestait donc les nanas qui fumaient, donc, bon, il savait que je fumais, apparemment ça l'emmerdait pas trop, mais apparemment je sens. Non, le premier soir ça l'emmerdait pas trop pour pouvoir te baiser, mais après ça le faisait chier. Voilà. Mais écoute, il m'a pas baisé du tout. J'ai pas compris, tu vois. Quoi, donc, c'est-à-dire que tu pouvais tellement de la gueule qu'il a même pas voulu. Bah, apparemment je sens beaucoup la. Même les cheveux et tout, tu vois, déjà quand j'arrive au taf et tout, on me dit, ah, ça c'est chaud, il aurait au moins pu te proposer le cigare. Non, mais ça, c'est les gens qui fument chez eux. Ouais, c'est ça, de l'odeur à reste. Ouais, donc moi je fume chez moi, puis partout, tu vois, genre, donc voilà, dans les chiottes, et oui, non, il y a des gens partout. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire caca sans leur clope. Ouais, ah ouais, c'est dingue. Et le prix, je gêne même pas aussi, tu vois, je sais que le paquet, il peut monter, ça ne gênera pas d'en prendre, c'est con à dire, mais chez moi, il y a des sandars partout. Et puis c'est d'un puer, ça m'a fait. Les vieux sandars arrêtés, il n'y a plus de place, donc tous les mégots, ils sont droits. Oh là là là. Et je te dis, bon, c'est simple allumé au taf, parce que bon, il est hors de question qu'on descende, en fait, si tu veux, donc dehors fumer, parce que bon, bah, forcément, tu passes du temps, quoi. Donc, alors elle veut pas, mais je dis, mais ouais, non, mais moi, je suis obligée. Je commence à trembler et tout. Je dis, non, mais moi. Ah ouais, tu commences à trembler, donc t'as vraiment un problème. Un paquet par jour. Moi, elle me disait, mais prenez la bonne résolution. Arrêtez de fumer, j'ai dit non, je fais mon cancer. Je suis en train d'économiser depuis 20 ans pour mon cancer, vous n'allez pas me l'emmerder quand même. Hein. Pourtant, déjà qu'on n'aura pas la pension, si je ne peux pas avoir mon cancer non plus, où on va le monde. C'est clair, je dis, je garde cette mauvaise révolution, je continue à fumer. Voilà. D'ailleurs, je pourrais connaître des gens un peu qui ont des mauvaises révolutions comme moi et qui s'abstiennent, voilà, donc. Donc ils s'y tiennent, parce que s'ils s'abstiennent, ça... Ouais, voilà. Dit, vu à quel point tu parles, je pense que tu l'as pas beaucoup tiré sur tes pneus. Tu l'en fous, donc ça va. Ouais, donc crapoter. Alors ouais. Ça n'a aucun intérêt. Ah, mais mettre de la fumée dans la bouche, à cracher. Ouais, alors encore fumer, bon, t'aspires et tu recraches, quoi, et t'as une sensation, mais alors dans la bouche, je comprends pas. C'est comme ça que tu sens plus les saveurs du tabac, quand il y en a. Oh. Quand il y en a. Bah, crapoter, en fait, moi, c'est toujours au début, quand je commence à fumer, puis non, maintenant, je fume vraiment. Oui, c'est ça maintenant, oui, voilà. Et tu aussi les meufs, tu sais, qui parlent et t'as le truc qui se consume, et au final, ça leur brûle les doigts parce qu'elles sont pas rendues compte que toute la clope est cramée. Fois, en fait, si tu veux ça, je le fais quand je suis vraiment prise, en fait. Qu'est-ce que tu viens de dire encore? On est en groupe, tu vois, donc voilà, je passe mon temps à tchatcher, donc là, ouais, la clope se consume, je m'en aperçois pas, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, très bien, Estelle, hein, on va essayer de voir chez la d'autres qui ont des mauvaises résolutions comme celle-là, hein, y a pas de problème. Ouais, des auditrices ou quoi qui ont de mauvaises résolutions qu'on va tenir. Je reviens un petit peu toi avec elle et tout, ça peut être sympa. Très bien, bah bouge pas de là, Estelle, on en parle après, d'accord? Bon, okay. Ne bouge pas, on aura Florence et Virginie aussi. Florence, pardon, pour les mauvaises résolutions. Et Virginie, maintenant, pour le jeu des amis. Virginie, 18 ans, du 59. Comment ça va, Virginie? Bah, ça va bien, vous, bonne année. Ça va, bonne année à toi aussi, Virginie. Bon alors, Virginie, on va faire le jeu des amis. On va donc appeler qui? Aurélie, Anthony ou Céline? Céline, qui est donc ta meilleure amie. Parfait. Oui. On y va, on l'appelle, on lui pose 10 questions. Si elle répond bien à 6 sur 10, c'est gagné pour vous deux. Ok. Allez. On y va. Oui, allô, Céline? Oui. Salut Céline, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Je t'appelle avec Virginie pour le jeu des amis. Virginie, est-ce que tu peux arrêter de jouer avec ton téléphone, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais avec? Voilà, qu'est-ce que tu fous? Je fais rien, non. Tu te masturbes avec ton téléphone? Non, pas du tout. Non. Ah bon, bah tu fais pas de mal sinon, hein. Ouais, non, il faut juste nous le dire, quoi. Voilà, si c'est juste ça, limite, dis-nous, ça nous dérangera beaucoup moins que si tu détruis la table, par exemple. Tu vois, bon, Céline, on va te poser 10 questions en rapport, par rapport à Virginie. Si tu réponds bien à 6 sur 10, pardon. Putain, j'ai du mal, hein, je suis claqué. Si tu réponds bien à 6 sur 10, donc tu repars avec des cadeaux et elle aussi, d'accord? D'accord. Allez, 10 questions. T'es con, t'es bonne, toi. Je n'ai pas vu encore texte. Il faut répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu peux passer. C'est alors considéré comme une mauvaise réponse. Et puis, voilà, c'est aussi simple que ça. Tout est dit. On y va. T'es prêt? On y va avec nos candidats maintenant. Oui, attention. Oui. Allez, attention. C'est parti. Quelle est la taille du dernier pantalon qu'elle a acheté? Je sais pas. 48. Quelle est la destination de ses dernières vacances? Angers. Alors, quel est son groupe de musique préféré? Son style de musique préféré, voilà. Pardon. Son style. Son style? Je sais pas. Pop rock. Où est-ce qu'elle a rencontré son mec actuel ? À l'école. Ah, bah oui, voilà. C'est ce qu'elle a répondu. Combien de fois par semaine se masturbe-t-elle ? Une menteuse, donc. Jamais. Bah, quand tu sais pas, tu veux dire. T'as plus de chances de gagner que si tu dis je sais pas. Hein. Quelle est la partie de son corps qui est la plus poilue ? Ses jambes. Quelle est la partie de son corps ? Quelle est la partie du corps qui l'attire le plus chez un homme ? Je sais pas. Mais donne-moi ça. Non, mais pourquoi faire des. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Quel est son dessert préféré ? De la glace? Non, non, c'est dommage, la mousse au chocolat. Oui, c'est lui, c'est au moins t'as essayé. Hein. Qu'est-ce qu'elle a encore, ce qu'on peut dire? Quel est le prénom de son dernier petit ami? Anthony. Oui. Ah, oui. Ça, allez. Quand c'est les mecs, on connaît. Hein. Ouais. Exactement. Et quel type de sous-vêtements préfère-t-elle porter? Je sais pas. Des culottes. Voilà, voilà. C'est du gars, oui. Qu'est-ce que t'as dit, Tex? J'ai pas compris. C'est du gars, oui. Ah, oui, c'est du gars. Ouais, bah oui, là, c'est-à-dire que 8 mauvaises réponses. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment meilleurs amis? Bah oui. Ah bah ça va pas durer. Bah oui, bah ça va pas durer. Tu sors. Oui, bah là vous allez sortir toutes les deux, hein. C'est dommage, j'ai 800 cadeaux en plus, c'est dommage encore plus même. Ah ouais. Bon bah c'est pas grave, vous revenez quand vous voulez quand même les filles. Ok, bah ouais, ok. Gros bisous à vous. A bientôt, et si vous voulez vous inscrire aussi au jeu des amis, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par énergie, puis vous laissez votre numéro de téléphone. Au paquet de rêves, les gants, tout au bing. Voilà, c'est du portugais. Merci messieurs. Bah de rien. De rien, Tex. Et vous pouvez aller sur amical.fm donc pour voter pour le plus mal habillé d'entre nous. Nous ferons un petit tour des votes tout à l'heure afin de voir donc par rapport à cette année 2010. Hein, c'est le magazine c'est JQ je crois qui avait fait un petit palmarès des people les moins bien habillés. Et donc en numéro 3, il y a quand même Sarkozy. Hein. Ah, c'est... Il faut dire ce qui est. Et donc dans l'équipe, on verra tout à l'heure par rapport à vos votes, quel est le mec ou la meuf, en l'occurrence, hein, c'est-à-dire Sandro, la plus mal habillée de l'équipe. Franchement, voilà. Il doit être vénère chez lui, Sarko, d'avoir vu ça. Ouais. Avec tous les moyens qu'il emploie pour être au top à chaque fois. Ouais. Surtout que sa meuf, c'est une top modèle. Hein. Les fers, France Beef. Qui plus est, ouais. Bon, on se met Diams dans un instant avec Cœur de Bombe, restez là. Non, ah ouais. Bouge pas, bouge pas. Sandro part terminer son brownie chocolat banane. Et Michael revient juste après ça. Le son de Diams à l'instant, cœur de bombe sur énergie, 21h minuit, on est là comme tous les soirs, on parlait des résolutions. On en parle encore dans un instant, sauf que ce soir on parle des mauvaises résolutions. Et enfin, Virginie Danger qui envoie ma résolution, c'est d'arrêter de fumer. Ah bah quand même, enfin il était temps. Le plus mal habillé c'est le roux, bonne année à tous, c'est Pauline, je suis assez d'accord avec c'est ça. C'est faux. Je suis assez d'accord avec ça. Mauvaise résolution, continue à rien foutre en cours, juste pour faire chier les vieux. Ah ben c'est plutôt... Ouais, je vais parler comme... Comme un vieux, ouais. Ouais, c'est plutôt toi que tu vas faire chier plus tard, tu sais, hein. Bien réfléchir à ça, quand même. Ouais, vieux. Ma résolution, me taper 69 dans l'année. Bon, on n'arrive jamais à faire ces résolutions-là. Si. Te taper 69 dans l'année. Ah, 69. Ouais. J'ai compris, faire un 69. Ah oui, non, si. Mais vous avez taper vu 69, c'est... Ce dossier, il y a un acteur, là, Warren Beatty, apparemment, il se serait tapé plus de 12 000 femmes dans toute sa vie. Ça laisserait voir, oui, hein, oui, top. Oui. Ah ouais, ouais, c'est... Ça fait 220 par an. Ah oui, quand même. Ah oui, ça, ah fait, oui. Ça fait presque. T'en es à combien par an, toi? Écoute, je sais pas. Plus ou moins, une fourchette. Je sais pas, deux. Ah, ah oui. Ah, t'es un gros joueur. Ouais, non, non, non, c'est un gros mytho, surtout. Hein. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Pas, bon. sur le fait qu'il s'en tape beaucoup, hein. Le fait qu'il s'en tape deux. Ah, deux, c'est pas assez? Ouais, bah oui. Bah, puis tous les textos que tu reçois, c'est pas possible, hein. C'est toujours des meufs différentes. C'est, ou alors t'es très mauvais, hein. Et putain, je crois que même moi, je pourrais en taper plus que deux par an avec le nombre de textos que tu reçois. Bah, surtout quand elles écrivent qu'elles sont attachées avec les menottes et qu'elles t'attendent, quoi. Ouais. Ouais. Ce n'est pas un mensonge, hein. Je ne mens pas, je n'en mens pas. C'est un vrai truc qui est arrivé, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et puis un message qui est arrivé de Ben du 54 qui dit: Mickaël, si tu veux du bon son rock, essaye System of a Down. Bon, on l'avait déjà essayé, System of a Down. On en mettra encore tout à l'heure. Ce soir, on mettra du Soundgarden également, puisque Chris Cornell a dit qu'il allait reformer Soundgarden après 12 ans de séparation. Donc, Soundgarden, il y a plein de gens qui vont me dire: mais qu'est-ce que c'est? C'est Black Hole Sun. On le mettra tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Bon, et puis, on en parlait aussi, là, donc, depuis 93, là, vous savez, il y a les Darwin Awards qui récompensent, donc, les morts les plus stupides. De quoi? Je savais pas. Ah bon, bah voilà. Donc comme ça, au moins, les gens auront appris quelque chose ce soir. Oui, cool. On l'avait déjà fait, hein, je crois, les morts de l'année dernière. Je pense, ouais. Les Darwin Awards, donc, qui récompensent les morts les plus stupides. Et les morts en question, donc, sont ainsi remerciés, hein, à titre posthume. Bravo. Pour avoir contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain en s'éliminant elle-même. Est-ce qu'on leur met une plaque sur la tombe? Enfin, on leur dépose peut-être le trophée, je sais pas. Alors, hein. Sur la tombe, je sais pas, mais on en parle en tout cas. Et, c'est une vraie cérémonie, je crois. C'est une vraie cérémonie. Et donc, en quatrième position. Personne vient chercher son trophée. Quatrième position, on trouve un jeune braqueur, hein, le roux, on avait parlé tout à l'heure, hein, il est quatrième, donc jeune braqueur de 23 ans, qui s'était aspergé de peinture dorée pour dissimuler son visage. Le problème, c'est que la peinture étant toxique, il est décédé peu après le hold-up. De plus, le doré n'y avait rien changé, tout le monde l'avait reconnu. Ah, donc il est doublement con, lui. Voilà, lui, ah, par contre, il est qu'une fois mort, hein, pas deux fois. Ouais, il n'est pas doublement mort, ça c'est sûr. Troisième place, trouve une femme adepte des deux roues en fait. Hein. Alors que toute la ville était inondée, elle avait dit à sa mère avant de partir, ma mob a des pneus adaptés, maman, ne t'inquiète pas. Quelques minutes plus tard, Rosanne Tippet est sauvée par la police après être tombée dans un fleuve. Hein, mais n'écoutant que son courage ou sa connerie, c'est une manière... dépend d'où on se trouve, évidemment, elle plonge à nouveau pour sauver son véhicule et se noie. Oh, le con ! Parce que c'est tellement simple de ressortir une moto qui doit faire quoi ? Allez, 100 kilos de l'eau ? Minimum, hein. Minimum. Ah, elle est teubée, elle. Ah, je vais sauver mon véhicule. Il se noie, je vais lui faire du bouche à bouche. Bah, il a été sauvé pour le coup, hein. Oui, oui. Elle est dead, quoi. Ouais, bah, elle a même pas été sauvée, c'est-à-dire qu'ils sont juste morts à deux. Bah non, c'est beau, elle est morte avec sa mob. Mais ouais, c'est beau, c'est comme le capitaine d'un bateau qui meurt avec le bateau, c'est exactement. Beau. Franchement, moi, rien à foutre, hein, je suis un capitaine, je sauve ma life. Hein. Ouais, mais maintenant ça se fait plus, mais avant ça se faisait vraiment dans Titanic. Ouais. Tu restes au dernier, je m'en rien à branler. Alors là, t'es pas un vrai capitaine. C'est-à-dire que lui, il affrèterait le premier bateau pour être parti avant que les gens se rendent compte que le chien est cool. Non, c'est mon zodiaque. Même s'il y a de la place dedans, il laisse pas monter les gens. Ouais. Non. Attends, chacun sa life. Bon, et puis la seconde place du podium, c'est un Américain rappelé trop tôt par la nature. Coincé dans les embouteillages, un besoin pressant le pousse à s'arrêter sur le bas-côté. Ah putain. Pour se soulager, bien évidemment. Il décide alors de... Bah oui, on se dit qu'est-ce qui pourrait se passer là. Sur l'autoroute. Embouteillage. Je sais pas si c'est sur l'autoroute, hein. Peu importe. Donc, embouteillage, il doit pisser, il sort de sa voiture. Ouais. C'est embouteillé, donc on peut pas dire qu'il s'est fait écraser par une autre voiture. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, tout le monde étant à l'arrêt, ça n'est pas possible. Il est tombé d'un pont, non? Non, il décide alors de sauter au-dessus d'un muret, mais pas de chance, 20 mètres de trou derrière. Parce que c'était un... Vous voulez pas pisser devant les gens? Voilà, c'est ça, exactement. Mais comment tu peux sauter sans regarder ce qu'il y a derrière? Il est con, lui. Donc voilà, il était ivre, hein, selon la police. Ah oui, d'accord. Ceci explique peut-être cela. Ça aide à mourir bêtement. Voilà. Et puis, mesdames et messieurs, voici les deux morts les plus stupides de l'année. Ils sont belges. Ça n'a rien à voir. Si. Un peu de fierté nationale. Non, c'était juste. C'est marrant, ils sont en haut du classement, comme par hasard. C'était pour préciser. Donc, ce sont deux malfaiteurs qui avaient tenté de cambrioler une banque. En la faisant sauter la dynamite. Mais ouais, ils sont sautés avec. Voilà, la moitié gauche de la maison, donc qui abrite l'agence, le Record Bank, donc à Dinan, la banque, ouais, s'est effondrée. Donc les deux complices sont décédés et l'un d'eux n'a été retrouvé sous les décombres que 12 heures après l'explosion. Et là où ils sont encore plus cons, c'est qu'ils ne sont pas dit qu'ils allaient faire péter les billets avec. Oui, en plus, oui. Mais voilà, ce qui la rend encore plus drôle, c'est qu'il soit belge. C'est pas le rapport. Ah hein. Si, moi je trouve ça encore plus drôle. Belge ou indien, ça aurait été bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, parce qu'indien, il aurait dû venir en chaise roulante. Ça aurait été plus compliqué pour mettre les. Ouais, mais on rigole pas de ça. Ouais, c'est ça. T'as vu ? Alors, ça par contre, là, on peut pas tailler. Hein. Mais non, mais parce que c'est pas cohérent. Bah, oh, bah oui. Bah, il galère déjà pour bouffer alors. Hein. Et alors, bah oui, il galère pour mettre qu'ils vont aller braquer des banques. Oui, en fauteuil roulant. Ouais, nous, on galère bien pour parler français, alors c'est bon. C'est vrai, oui, c'est bah nous aussi, alors. Ah, bah c'est très bien de l'entendre dire. Non, on parle bien français par rapport à vous. Le français de qui? Le français de nous? Bah oui. C'est ça, ouais, t'as raison, ouais. Bon, et puisqu'on parle de la Belgique, on va y rester un petit peu là. Est-ce que vous vous souvenez de. C'était un peu avant les vacances, on avait parlé du Belgian Air Force One, le fameux avion du gouvernement belge là. C'est l'enviant du Premier ministre. Eh bien, figurez-vous qu'il subit problème sur problème depuis qu'il est en service. Bah, il est belge déjà. Non, il est français. C'est un Airbus A330. Ah. Et dans ta gueule. Ah, vous pouvez les acheter chez nous parce que vous ne pouvez pas en faire vous-même. C'est ça, bah oui. C'est-à-dire qu'il y a deux gros constructeurs, Boeing américain, Airbus franco-anglais. Oui. Donc, tu veux, voilà. On fait des frites, c'est déjà bien. C'est ça. Et donc, l'Airbus A330 qui avait déjà été victime d'une fuite de carburant le 19 décembre, alors qu'il devait emmener le Premier ministre et sa suite en Afghanistan. Le 28 décembre, il s'est retrouvé avec un de ses trains d'atterrissage principaux embourbé. Donc du coup, bah forcément... Mais en fait, voilà, il décolle pas. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que pour s'embourber, il a dû sortir de la piste quand même. Ouais, non, mais il a fait un virage trop serré, il est sorti un peu de piste. Oui, un petit peu. C'est le pilote qui avait bu trop de bière. Et hier, après avoir décollé avec 136 passagers, il a atterri 1h30 plus tard. Au même endroit. Bah oui, en fait, il n'arrivait pas à rentrer son train d'atterrissage après le décollage, et donc il a dû brûler du carburant pour pouvoir réatterrir sans casser le reste. Et donc, durant 1h30, bah, il a volé. Donc, le général-major, c'est Claude Van de Voorde. Qui a précisé que le train d'atterrissage au complet n'a pas voulu rentrer. Il voulait pas. C'est lui qui voulait pas. C'est ça. Et donc voilà, c'est malheureux. Donc, pourtant, le jour de son inauguration, donc, rien ne laissait présager un tel fiasco. Souvenez-vous, on avait réussi à enregistrer la conversation entre le Premier ministre qu'il avait eu donc avec le pilote quand il est venu visiter Belgian Air Force One. Ouais. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bienvenue à bord du Belgium Air Force One. Bonjour commandant, vous ne faites faire un tour du propriétaire? Bah, c'est-à-dire que c'est votre avion, alors vous avez qu'à faire un tour sur vous-même. Vous êtes un sacré Laurent vous, hein, dit. Ah, vous savez, dans l'armée, on sait rigoler, hein. Bon, allez, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre, cet avion. Alors, ça, c'est le minibar. Bière blonde, bière brune, bière rousse, Heineken, Grimbergen, Corona, Desperados, il y a toutes les marques de bière que vous voulez, hein. Et du coca, vous auriez ça, dit? Oui, si vous voulez, je peux vous faire un mazout. C'est de la bière avec du coca. Ah, ben c'est très bien, ça. Tu me sers un godet, dit? Et sinon, ce bouton rouge là, c'est quoi? Ah, non, faut surtout pas toucher à ça, hein. C'est très dangereux. Ah, d'accord, merci de me prévenir, hein. Et ce bouton bleu, c'est quoi? Bah, c'est la même chose que le bouton rouge, hein, sauf qu'il est bleu. Ah bon, j'insiste pas alors, hein. Bon, on continue. Alors, ici c'est le coin cuisine, avec un chef coq à votre disposition, 24 heures sur 24. Voici le menu, patate à la bruxelloise, patate à la namuroise, patate à la brugeoise, patatos et patati et patata. Patata à quoi? Quoi? Rien, c'est pas grave, c'est de l'humour d'homme politique. Mais quand même, ça m'intrigue ce bouton rouge, hein. Vous allez pas me dire ce que c'est, dit? Je vous dis qu'il faut pas toucher, les conséquences peuvent être terribles, hein. Bon, d'accord, j'ai compris, hein, faut pas s'énerver, hein. Et cette pièce là-bas, c'est quoi? Alors ça, c'est une pièce de 2 euros. C'est pour vérifier la taille des impacts sur les hublots. Si c'est plus petit que la pièce, Carglass vient remplacer gratis. Ah, d'accord, c'est pas mal ça, hein. Mais je parlais de la pièce qui est là, derrière le rideau. Ah, ça c'est une surprise, hein. Vous êtes sûr de vouloir ouvrir le rideau? Bon, c'est bon, arrête ton char, hein. D'ailleurs, ton imitation de Bataille et Fontaine est très mauvaise, hein, je tiens à le dire, hein. Bon alors, c'est quoi cette pièce? Vous allez me dire oui à la fin? Oui à la fin. Bon, ça va, c'est pas possible, hein. Bon, ça va, cette pièce, c'est la nurserie. La nurserie? Mais j'ai pas d'enfant. Non, mais vous avez des maîtresses, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, regardez là-bas, il y a un pirate qui essaye de nous planjaquer. De nous planjaquer? Où ça? Où ça? Et hop, moi je veux savoir ce que c'est que ce bouton rouge. Oh, oh, touchez pas à ça. Ah, merde. Ah. Bah ouais, je vous avais prévenu, hein, faut pas toucher au bouton rouge. C'est le robinet d'eau chaude, donc ça brûle. Ah, ils sont bons, ces Belges. Oh, oui, ça va, hein. Ça, c'est sacré, les rions, hein. Ouais, c'est ça. Bon, on va revenir dans quelques instants. Vous pouvez toujours continuer à voter, hein, pour qui est le plus mal habillé. Vous allez sur le blog de l'équipe sur amical.fm. Et pour l'instant, le qui est le plus mal habillé de l'équipe arrive en 7ème place, donc qui est forcément le mieux habillé de l'équipe. Hein? On a compris. Bah oui, le plus mal habillé de l'équipe, donc ça veut dire que le numéro 1 de ce classement, c'est le plus mal habillé. D'accord, donc voilà. Le mieux c'est le 7, oui. Donc le mieux c'est le 7 en l'occurrence. Et le mieux, alors c'est là qu'on voit que les gens, et c'est marrant parce qu'on peut faire n'importe quel vote, c'est toujours les trois premiers qui sont. C'est toujours les mêmes trois premiers. Ah il y a toujours Toff, moi et Sandro en général. Ah ouais? Et là, c'est pareil. Donc, t'aurais pu dire qui a la tête la plus con, bah, on aurait les trois mêmes premiers. Qui est le plus beau, on aurait les trois mêmes premiers. Les gars, posez-vous des questions à un moment donné. Bah, je sais pas. Peut-être quelqu'un d'autre. Bah, non, vous avez peut-être des têtes de con, et, non, et c'est là qu'on voit que le classement est faux puisque c'est Pedro qui est censé être le mieux habillé. Donc, alors là, on est arrivé à un summum. Je viens de le voir. Tu peux jouer aux échecs ou aux dames dessus. Ou alors tu peux même faire la vaisselle. Hein. Parce qu'il y a il a mis un peu de couleur, hein. Il a les lacets jaune fluo. Voilà, donc en 7, il y a Pedro. En 6, il y a Jack, avec le même pourcentage d'ailleurs. En 5, Sandro. En 4, Leroux. En 3, Polo. En 2, moi-même. Et en premier, Toff. Ah, Toff est le moins bien habillé. Le Toff est le moins bien habillé pour l'instant. Quand même, il y a un peu de logique. Voilà, c'est ça. Bon, et je voulais pas vous le dire avant, sinon vous auriez triché. Mais comme c'est les soldes, hein, demain, on va faire d'une pierre deux coups. J'annonce officiellement que celui qui sera élu le plus mal stylé d'entre nous par les auditeurs, je lui file ma carte et il pourra s'offrir 100 euros de vêtements. Tu te fous de la gueule du monde là ? Non. Ah mais attends, on remet des photos. Moi, je m'étais arrangé. Attends, je vais aller voter moi. Ah, voter voilà. Pour moi. Voter j'étais dégoûté parce que j'étais mal sapé aujourd'hui, mais là, tu vois. Bien entendu, on vérifiera bien évidemment tout ce qu'il aura acheté et si son style s'est amélioré ou pas. Par contre, donc votez pour moi. Bon, c'est pas pour faire les difficiles. C'est très gentil d'offrir 100 euros pour aller se fringuer, mais le mec qui va y aller demain, il va galérer. Pour y aller seul. Ouais. Je m'en fous, j'y vais quand même. Hein. Oui, bah c'est ça va être une galère. Rien à foutre. C'est ça, de toute façon, avec ou sans 100 euros, il y va quand même. Même s'il a rien à dépenser, il y va quand même. Donc bon. Bon, on se met un peu de son maintenant. Edouard Maillé avec Stereo Love. Et puis on revient juste après. Continuez à voter sur amikael.fm. Cliquez sur le blog et vous allez dans le blog de l'équipe. C'était le son d'Edouard Maillé. Stereo Love sur Énergie. 21h minuit, on est là donc tous les soirs. Vous lâchez toujours vos messages au 612, débuté par Énergie. On fera un petit blind test des séquis de 2009. Alors, les séquis, c'est ce qu'on met de temps en temps au début de l'émission avec des chanteurs ou pas. Ouais, c'est souvent pas. Ouais, souvent pas. Ou alors, souvent des gens qui sont personnes et qui se prennent pour des chanteurs. Et donc, petit blind test pour voir si vous allez arriver à retrouver tout ça. On fera le jeu dans quelques instants. Si vous voulez vous inscrire, vous faites le 612, débuté par Énergie, et puis vous mettez c'est qui avec votre numéro de téléphone. Voilà, et puis on vous rappelle, on jouera ensemble d'ici quelques minutes. On a Florence qui a maintenant 24 ans de Istres. Salut Florence. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Ah, toi aussi, ouais. Putain, moi, je me suis réveillé à 6h30 ce matin. Je ne pouvais plus, je me suis rendormi après, et puis. Voilà. Non, moi, je me suis levé à 6h et j'ai bossé. Ah oui, non, moi, après, j'ai endormi. Hein. Là, moi, j'étais à dormir. Je me suis réveillé, je me suis dit, putain, il doit faire plein soleil, parce que j'avais vu qu'il allait faire soleil ce matin. En fait, il faisait nuit. J'ai pété un câble. C'est complet. Pas vraiment plein soleil en général. Non, à 6h30 du mat en hiver, non. En général, il fait pleine lune à la limite, mais plein soleil moyen. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, tu voulais donner ton avis, toi, sur les mauvaises résolutions que t'as prises pour cette année 2010? C'est ça, ouais. La seule mauvaise résolution que j'ai fait, c'est de faire chier mes voisins autant qu'ils peuvent me faire chier. Ah, je propose que tu mettes ta radio à fond de balle. Les voisins de mon amour, donc. Les voisins de quoi? De mon chéri. Les voisins de ton chéri? Oui, parce qu'ils sont casse-couilles, on peut pas qu'est-ce passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, à cause d'eux, on a des infiltrations parce qu'ils ont une baignoire et pas nous. Mais enfin bon, non, c'est à la limite du faute du propriétaire, c'est pas de leur faute. Oh bah si, est-ce qu'ils foutaient moins d'eau par terre, ils ont pas de petits. Ouais, mais laisse-les baiser dans la baignoire aussi. Non, mais ils ont peut-être bêtement une fuite. Baignoir, ah, tu parles de tes voisins de dessus? Oui. D'accord, mais peut-être qu'ils ont une fuite alors, c'est peut-être pour ça, là. C'est ça le problème, parce que c'est pas parce que tu mets de l'eau par terre sur le carrelage ou je sais pas où que t'as des infiltrations. Ouais. Ouais, ta maison elle est en sucre. Peut-être aussi la bâtisse qui est un peu pourrie. Hein. Ouais, ouais, à mon avis, il va y avoir de ça. On va dire que c'est pas de leur faute, mais bon. Bon, allez, passons, ça c'est pas leur faute. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Non, ils rentrent à 2h du matin, ils ont un clic-clac. Oh, ça c'est vraiment pas bien. Putain, ouais. Non mais quand c'est les voisins du dessus, si, c'est super chiant. Ma voisine du dessus, je sais pas ce qu'elle a, en fait, le matin elle met ses talons. Mais alors, elle part travailler, Jack. Oui, sauf qu'elle les met une heure avant de partir. Ah ben moi, c'est pareil. Mais oui, mais enlève tes talons, tu les mets. T'habites au dernier étage? Non, non, il y a quelqu'un dessus. Hein. Ah bon? Bah oui. Ah oui. Putain, c'est relou, le talon. Non, non, il y a vraiment quelqu'un au-dessus. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, encore la meuf à 4h du matin, elle te mettrait le son à fond. Ouais, tu peux être vénère. Ah, mais la meuf, c'est par bosser. Bon, ouais, ouais, tu peux rien dire. Non, mais elle chie, elle peut mettre ses talons effectivement à la porte et les met quand elle s'en va. Bah oui, t'as raison. Pas, moi, tu vas faire ta vie en fonction de tes voisins. Pantoufles, quoi. Vous paraissez dans les talons toute la journée. J'en ai marre de les porter la journée, quoi. Non, mais attends, Mais bah oui, mais voilà, non mais moi je serais dans un appart et je mettrais des chaussures qui font du bruit. Si le mec d'en bas me dit voilà, moi je travaille de nuit ou je travaille machin, est-ce que ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas de mettre vos chaussures quand vous partez seulement? Bah je dirais oui, enfin tu vois, je m'en fous, ça me dérange pas. Non, ils s'en foutent parce qu'on leur a dit la dernière fois, c'est pareil, quand ils rentrent dans le couloir, ils foutent un bordel pas possible, ils claquent la porte à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils ont bien fait, ils ont raison. Et toi, Roux, dans ton H&M, comment ça va? J'habite au dernier étage, moi, j'habite tout en haut. Ah, donc t'as le H&M de luxe? Non, c'est pas un penthouse. Hein. T'as pas une grande terrasse sur le toit? Ah non, j'ai pas une grande terrasse. Ah, merde. Il a une très grande terrasse, mais c'est le toit. Il y a du gravier, ouais. Par contre. Hein. On peut y aller. Ah, on peut pas y aller? Si, on peut y aller, mais faut vraiment avoir envie d'aller voler une échelle en bas, machin. Bah, sa mère, quand elle veut bronzer, elle va au-dessus. Hein. Ouais, mais au moins, c'est pratique, tu me diras. Prends sa serviette, sa bouteille d'eau, c'est bon. Et la transat? Sur le gravier? Non, mais la serviette par terre. Ah oui, sur le gravier direct. Ah ouais, c'est super agréable. La transat, ça passe pas dans. Ah ouais, mais c'est comme un truc de grenier en fait au-dessus. Ah ouais, d'accord, ou alors tu prends un ou deux sacs de sable et tu fais une petite plage. Ouais, tu peux faire ça aussi. Si vraiment t'as rien à foutre dans ta vie, ouais, tu peux faire ça. Barbecue. Ouais, un barbecue. On a déjà fait quand on était plus jeune et c'est mal passé. Ouais, tu m'étonnes. Bon, et donc toi, c'est continuer à faire chez tes voisins. Mais alors le problème, c'est que ça finira jamais. Hein. C'est commencé. Ah ouais, bah parce que moi jusqu'à présent, je suis super calme et discrète, je les ai bâchés quoi. Oui, oui, oui. En train de me rendre taré quoi. Pareil, on a les voisins d'en face, la dernière fois on a dû faire venir les pompiers parce que le type répondait pas, c'était le branle-bas de combat dans la cage d'escalier quoi. Ils sont tous un peu fous je crois dans cet immeuble. Mais il habite là depuis longtemps? Non, ça va faire un an. Hein. Faut acheter une bonne installation Wi-Fi et mettre du rap à fond de balle. Je crois que c'est ça, la dernière fois cet été c'était le petit voisin d'en face qui nous envoyait des billes en plastique à travers la vitre dans la baraque. Mais peut-être vous posez des questions, c'est peut-être que vous avez des têtes des têtes à claque quoi, t'as envie de faire chier les gens. Ouais. Non. Parce que si non, t'as le mec d'en face qui te fait chier, le mec d'en haut qui te fait chier. Non, c'était un petit. Oui, enfin, les parents peuvent l'envoyer. Ouais, c'est ça, les parents peuvent l'envoyer. Alors, ça sert à ça, les gamins, sinon à quoi ça sert? On n'est jamais là, alors putain, si on arrive à faire chier les gens sans être jamais là, ça devient grave, quoi. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être parce que t'es jamais là, du coup. On est trop discret, quoi. Peut-être. Bon, écoute. Ah, il n'y a personne qui vit là, donc on va pouvoir foutre le bordel, mais bon, bref, c'est pas grave. Ce qui est dommage, c'est que sans aucun doute, c'est fini. Mais tu peux plus gueuler. Sinon, t'aurais pu effectivement aller. Si, c'est terminé, ils ont arrêté. Hein, même avec Christophe Moulin. Ouais, c'était la dernière là avant Noël. Ouais, mais ils vont faire un nouveau truc. Enfin, c'est un nouveau sur son cadeau avec un autre nom et voilà. Et Christophe Moulin est produit par Julien Courbet. Voilà, exactement. Donc, ça revient sur TF1. Voilà, il a repris ses billes. Ah bon? Ouais, apparemment, ouais. Ah bon? Bah, quoi? Je sais pas, de l'audience? Ça changera. Non, je crois que ça marchait son truc. Ça a peut-être mis du temps alors. France 2 là? Ouais. Le service minimum. Non, mais non, ça a été arrêté. Ouais, j'ai bien. Ah, d'accord, ok, je sais pas si ça marchait, ouais. Bon, gros bisous, Flo. Ok, gros bisous. Et merci à toi d'être venu. C'est continuer à bouffer plein de McDo, là. Ce soir, je vous dédicace mon McDo, il était bien bon. Oh, là, la chance. Allez, gros bisous. Et la chance, ça nous faut bien la rage et elle se barre. Allez, salut, Flo. Ciao. À bientôt, ciao. Ça me fout moins la rage parce qu'elle l'a déjà mangé. Ouais, c'est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a plus rien. Non, mais dis-toi que là, il y a des gens qui sont en train de bouffer pendant que t'es en train de parler. Ouais. Une bonne fondue. Savoyarde ou bourguignonne? Ah, les deux, je m'en fous. Les deux en même temps. Voilà, les deux en même temps avec un McDo en dessert. Exactement. Voilà, c'est ça. Bon, Fleury. T'as raison. Bon, on fera le blind test dans quelques instants et puis on parlera d'un site assez original qu'un auditeur nous a envoyé. On fera ça dans un petit instant. Très original. C'est un site de taf un peu. C'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. On en parle dans un instant après le son de Tokyo Hotel, c'est World Behind My Wall. Bouge pas. Tough part se brosser les dents avec son dentifrice goût oignon gorgonzola. Ça pue le vieux cul à Marie. Et Michael revient juste après ça. C'était le son de Tokyo Hotel à l'instant avec World Behind My Wall sur Énergie. Et tous les soirs, on est là entre 21h et minuit avec un petit chéri, je t'ai fait cocu qui arrive. Tout à l'heure, on aura aussi le mag, comme tous les soirs, à 23h. On va faire le blind test dans pas longtemps. Et puis, je vous avais dit qu'on parlerait d'un site, en fait, qu'un auditeur nous a envoyé. C'est Antoine qui nous a envoyé un site qui est plutôt original, hein, faut dire les choses. Alors, c'est un site qui est s'appelle fumier.com. Et en fait... Et ça porte bien son nom. C'est déjà rien que le nom. Et donc le gars s'appelle Roger. C'est Roger le roi du fumier. C'est un vrai site. Ah, ouais. Non, évidemment, c'est un vrai site. Ouais. Et donc le concept, c'est simple, c'est-à-dire que si vous avez la haine, vous êtes une ex de Toff, par exemple. Par exemple, vous allez sur fumier.com, vous pouvez commander votre fumier. Ouais là. Et en fait, ils vont envoyer un beau paquet que t'as envie d'ouvrir parce que c'est joli, hein, machin. Et bah quand tu l'ouvres, en fait, t'as de la merde. C'est voilà. Bon ça. T'as du fumier. Oh, Roger fait, Combotte, le roi du fumier. Voilà. Et donc il a fait, il y a même une petite chanson qu'on peut acheter pour 99 centimes. C'est une bonne façon d'arrondir ses fins de mois. Hein. C'est une bonne façon d'arrondir ses fins de mois. Ils vont plus dire oui, cela ne sent pas très bon, mais c'est 100% naturel et c'est pour rire. Voilà. Votre destinataire sera immanquablement surpris par votre sympathique geste bio. C'est vrai que c'est une façon de voir les choses, en effet, effectivement. Donc voilà. Et donc la petite chanson qui est là, il y a la boutique vache, il y a Offrez du fumier, les vidéos de Roger, etc. etc. Mais c'est ouais. Combien, c'est combien, on va commander 99 centimes la chanson. Non, pas la chanson, le fumier. Ah, attends, je vais voir, ça je sais pas. 8,50€. 8 euros, ah, vas-y, on se commande un truc de fumier. Plus le porc. Hein. Il est vraiment ouf, lui, il va se l'envoyer. Ouais. Ah, vas-y, on commande, juste pour voir. Ça fait 100 grammes de fumier provenant des meilleurs élevages bovins de Franche-Comté. Oh, bah vas-y. Non, on commande carte, pas, parce ça va mal finir, ils vont se lancer dessus et ouais. Tout. Une carte fumier.com avec votre message personnalisé imprimé. Tout l'amour et le savoir-faire de Roger Combotte, le roi du fumier. La boîte est emballée dans un carton haute protection recyclable. Roger Combotte, le roi du fumier. C'est dingue quand même. Ah vas-y, en plus ça va rester, ouais. Ça va rester à l'accueil et tout, ça va être bien. Attends, drôle. Tu peux demander, tu peux devenir ami de Roger sur Facebook. Oh, si moi j'ai envoyé à notre ancien boss, à Fredo. Roger Combotte. Son adresse? Bouche, oui, il faut. Ah, vas-y, on envoie chez lui. Ça peut être drôle, ouais. Le roi du fumier. J'espère qu'il est bien frais. Ah oui, bien qu'il sent bien la merde. Ah bah, il vient de Franche-Comté. C'est le roi, c'est le roi. Eh, il vient de Franche-Comté, donc. Ah, il prévient. Oui, cela ne sent pas très bon, mais c'est 100% naturel. Ah oui, oui. Un bon engrais. Votre destinataire sera immanquablement surpris par votre sympathique geste bio. C'est ça. Commandez vite votre boîte. C'est ça. Tu la payes, roux? Alors, non. Allez, vas-y, on en commande une, roue. Ouais, si tu veux. Allez, vas-y, roue. Bon, 8,50€, roue, plus le frais de port. On va la chercher, à ce prix-là. Ça fait... Il y a des factures, là. Ah, non, non, non, non, Tu vas pas rentrer de la merde dans nos deux frais. Bah, si, attends. 100 grammes de merde. J'imagine bien le contrôle fiscal. Oui, vous avez acheté quoi, monsieur Roux, là? 100 grammes de merde, vous foutez de ma gueule? Alors... Qu'est-ce que tu fais? Vous voulez ou pas? Ouais, vas-y. Bah, t'es frais, hein? Ouais, bah, on a deux frais. Non, mais j'essaie pas de la merde pour mon plaisir. Oui, oui. En plus, on peut payer par PayPal. Vous le savez, 9€ sur PayPal. Ce qui est bien, c'est qu'on connaîtra la boîte. Ah, oui, oui, comme ça, il n'y a pas de faire payer deux fois. Non, mais en fait, il y a écrit sur la boîte. Il y a écrit fumier.com sur la boîte. Mais c'est con alors. Bah, non, tu te dis pas que tu recevras de la merde, même si t'as un truc, tu te dis ça peut être de la pub. Et là, t'ouvres et. Ça sent le café. Mais j'ai reçu en plus ici. Ah, je sais pas. Non, c'était du crottin de cheval, mais c'était pour autre chose. Pardon, excusez-moi. On nous a quand même envoyé de la merde. J'ai confondu. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, on va faire le C'est qui 2009, là, la rétrospective. On va plutôt faire le blind test. C'était joli, ça. Je sais. Avec Jonathan, Kia et Marion, bonsoir tous les deux. Bonsoir, Mickey, bonsoir à toute l'équipe. Salut. Bonsoir et bonne année aussi. Comment bonne ça va année 2010. Bien, tu as retenu l'année. C'est ouais. Ah mais pareil, il y a des gens qui se trompent. Hein, ouais, excusez-moi, je vois qui le fumier. Pour l'apocalypse 2012. De quoi? Et deux pour l'apocalypse 2012. Ouais, mais il n'y aura pas en 2012, t'inquiète pas. Non, mais je sais, je les entends. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Ah, si. Même en 2010. Si, si, le 14 avril 2029, il y a une météorite qui va s'approcher à 36 000 km de la Terre. Mais les Russes ont trouvé... 2036, moi. Ah non, c'est 2039... 2000... Merde, qu'est-ce que je viens de dire? J'oublie. 36. Moi, j'ai dit 2036. Tu viens de dire 2029, toi. Non, 2029, voilà, c'est ça. Et donc, il y a une météorite qui va s'approcher à 36 000 km de la Terre et qui risque pas de nous percuter en 2029, mais 7 ans plus tard. Mais apparemment, les Russes ont trouvé une solution. Ah bon? Ouais, ils vont envoyer Bruce Willis. Non, ouais, c'est pas ça. Armageddon. Ah bon? Ouais, vous inquiétez pas, on gère, ils ont dit. C'est rassurant. Non, mais le but, c'est de la détruire bien avant, en fait. Bah, non, en fait le truc c'est que bon pour pas rentrer dans le détail en gros ils vont donc elle va passer à 36 000 à un petit peu moins de 36 000 km de la Terre, donc elle sera entre les satellites de télécommunication et la Terre, ce qui veut dire que théoriquement il n'y a pas de problème, mais il y a ce qu'on appelle à certains endroits dans l'univers et autour de la Terre ce qu'on appelle des trous de serrure. Ça fait à peu près 500 mètres de large et si passe à cet endroit là il y a une attraction beaucoup plus forte à ces endroits là par rapport à la Terre, donc ça veut dire des perturbations. Bah, en gros, ça veut dire que la météorite va passer dans ce qu'on appelle ce trou de serrure, et en fait, la Terre va faire que la météorite va changer de direction. Ce qui fait que 7 ans plus tard, quand elle va revenir, elle va percuter l'océan Pacifique entre Hawaï et la Californie. Oh, et là, ça va faire un tsunami. Non, mais ça va faire un de ces putains de tsunamis, c'est-à-dire que. C'est pas le moment d'investir là-bas, putain. Ouais. Enfin, de toute façon, nous, on s'en fout, hein, c'est pas notre océan, donc. Oui, enfin, ouais, c'est là-bas. Non, mais c'est là-bas. Les tourneaux, hein. Non mais on sait, oui, mais qui... Mais attends, je te rappelle, tu le roules, il a des maisons à Los Angeles, hein. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Bah, c'est pas grave, il a revendu d'ici là. Ouais. C'est en 2029, Miami, moi. Tu seras le gouverneur. Je revends direct, je m'en fous. Ouais, c'est ça, il sera le gouverneur de Californie. C'est ça, t'auras quoi là? T'auras 50 ans. On dit que la Californie, elle va disparaître. Oui, bah, je te confirme, par le feu, et puis en fait, elle va être sauvée par la météorite, parce qu'avec le tsunami, il y aura de l'eau. Et non, mais il y a un truc de tremblement de terre en Californie. Oui, bah, oui, il y en a un peu partout, mais oui, en Californie, il y a ça aussi, oui. Après, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, après, c'était pour la petite info supplémentaire. Bon, Jonathan et Marion, on va faire le. C'est qui? Oui. Et pendant ce temps-là, le roux commande sa mère. Non, et pendant ce temps-là, Jonathan n'est plus dans le standard, il est en jaune. Qu'est-ce que ça fait, Micha? Ah, je ne sais pas. Ah, ben, il faut, oui, me le remettre en vert, Micha. Ils sont fous, mais ça ne marche pas, ne me regardez pas comme ça. Je suis pas dans le standard. Ben oui, mais. C'est pas comme si j'étais standardiste, quoi. Jonathan! C'est vrai. Bah non, mais il m'entend pas. Ouais. Mais l'animateur ne connaît pas son matériel. Non, mais attends, mais je ne peux pas faire ça, là. Bah demande à Jack. Jack, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah fais la roue. Débranche le standard et rallume-le. Fais la roue. Incroyable, rallume une bougie. Ah bah voilà, ça fonctionne. Ah, mais là, ça marche. C'est quand même surréaliste quand je pousse dessus. Ça a coupé. Dis pas merci. Ah, ça a coupé? Ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé là. Mais t'entendais plus rien dans le. Bah, c'est pas grave. T'entendais plus rien dans le standard ou. J'entendais plus rien du tout. C'est dingue ça. Bon, c'est Jonathan trou noir. Et Marion. On va donc jouer c'est maintenant normand, plutôt. Au C'est qui. Attention, le concept est facile. On va vous faire. Bah, c'est comme un blind test musical standard, sauf que c'est des chanteurs un peu bizarres, oublié. On va dire. Oui, oublié. Non, pas forcément. Ah, il y a tout, il y a tout. Il y a un peu tout, il y a un peu tout, il y a un peu de tout. Bon. Actualité. Ouais, pas forcément de l'année dernière en l'occurrence. On écoute le premier qui a la bonne réponse de qui chante. On peut aider? Bah attendez un peu au début. Quand même. Non, on n'aide pas. Bon bah alors là tu t'enflammes, hein, Jonathan. Allez, on y va, premier. Jonathan. Michael Jackson. Ça c'est la version originale, mais cette version là. Mais pas du tout, moi. Ah, mais tu voulais pas te faire aider. Ouais, Marion. Christophe Willem. Bien. Christophe Willem, bonne réponse. Bon, bravo, Mario. Ça fait le premier point. Deuxième. J'adore Paris. Marion. Ouais. Lady Gaga. Bien. Pas mal. Alors, soit t'es fidèle de l'émission, soit t'as beaucoup de chance. Troisième. Moi je représente la jeunesse actuelle, celle dont le père et la mère sont. Ah oui, ah ça je l'ai. Ça c'est plus dur ça. C'est la Starac ça. Non. Si si ouais. Ah c'est pas du tout. Ah. Putain, je veux plus moi. Je me souviens qu'on a déjà mis. Ça commence par S. C'était un rappeur d'une des Starac. Enfin, un rappeur. Cynique. Non, Cynique. La Starac. Un Cynique et la Starac sont un peu drôles. Je crois que c'est pas lui qui a été chanté à la Starac. Non, c'est Booba. Booba. Ah, c'est Marion, Booba. Marion. Swan. Non, il est pas rappeur. Et puis il a pas fait la Starac. Ah, mais ça ressemble son nom. Ouais, t'es à une lettre près. Deux. Ah bon? Oui. Merde, je vois plus. Moi non plus. C'est. Je sais pas, c'est quoi la réponse, parce que personne trouve. C'est Van. Ah, c'est Van. Voilà, oui, c'est ça. Ah, bon, c'est pas grave, allez, quatrième. Des gestes simples. Oh. Lavez-vous les mains à l'acide chlorhydrique. Utilisez un mouchoir à usage unique. Non, au virus de la grippe. Non, au virus de la grippe. Vous voyez pas? Secret Story. Marion. Marion. FX. Eh ouais. Pas mal. Voilà, très bien. Marion la balade. Hein. Et Jonathan, je veux pas. Je veux pas qu'on m'aide. Je vais tout trouver. Je vais te trouver tout seul. Vous allez voir. Bon, cinquième. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore Secret Story. Ah non. Ah oui. Elle est partie faire des fêtes aux États-Unis. C'est ça. Et à l'époque, elle était aussi, quand elle était toute petite, elle avait des vestes de la marque Millet. Oh, elle était chez Disney. Oh, c'est un indice. Marion. Marion. Marion. Miley Circus. Miley Circus. C'est un mélange, Marion. Hein. C'est pas ça? Non, non. C'est pas Miley Circus. Je trouve pas Miguel. Tu trouves pas? Oui, bah oui, c'est dommage. Hein, ça, c'est... Ah, parce que là, c'était dur. Hein. Miley Circus, c'est pas ça. Ouais. Presque. Hein. Eh ben non, c'était Miley Cyrus. Bah oui, mais voilà, mais c'est pas mon truc. Ah bah oui, bah, en Circus en fait. Et Cyrus, c'est pareil. Ah oui, mais c'est pas la même chose, hein. Bah, c'est vrai que c'est pas mal. Bah oui, mais non, c'est pas. Oui, mais en même temps, je vais donner le prénom si tu veux donc. Allez, extrait suivant, une dernière. Pas l'autre est très mauvais donc. En travaillant pour devenir compétent. En travaillant pour vous enrichir. Mais pour devenir capable. C'était le mec préféré des Français pendant des années. En vous unissant, en groupe. Wesh ma gueule. Entrer dans la vie avec cette ambition de bonheur. Je pensais que la vie serait facile. Du bonheur de tous. Le parrain. Vous êtes enviable d'avoir 20 ans. Parce que vous entrez dans la vie dans un temps. Vous voyez pas veut ça. Non. Ah, non. Ouais. Bah, il est mort. Hein. Ouais, c'est mieux. Réaliser ce bonheur. Ah, c'est dur. Bah, Jung. Alors, c'est pas. Bah, c'est vrai qu'il est mort aussi, tu me diras. Mais... C'était l'abbé Pierre. C'était l'abbé Pierre. Oh. Bon, Jean, donc, tu étais très mauvais. Ah non, c'est plus que très mauvais. C'est quoi le score là? Je sais même plus le compter, tellement c'est. C'est bah, lui, la zéro, c'est sûr. Hein. Ah bah lui, la zéro, c'est sûr. Bah, on a fait 7 extraits, 200. Ouais, 4 points, je pense, un truc comme ça. Et 6 extraits. 6, bah alors 4. Ouais, ouais, 3 ou 4 points, effectivement. Bah, c'est gagné, Marion. Ouais. Mais oui. Bon, je te repasse Michel au standard, si du moins il arrive à te reprendre, hein, parce que comme il sait pas très bien comment ça marche, visiblement. Je te souhaite bonne chance. T'auras besoin de plus de chance pour arriver au standard que pour avoir gagné l'émission. Mais bon, je te fais des bisous, Marion. Bisous. À bientôt. Salut, Jonathan. Salut. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y. Hey. Je fais une grande dédicace à Galia. Galia. D'accord. Ouais. Bah écoute, pas de problème. Le message est passé. Voilà. Salut à toi. Salut, bye bye. À bientôt, ciao, bye. Bye bye. Et on va jouer dans quelques instants au chéri, je t'ai fait cocu. On fera également le jeu Blizz tout à l'heure. Si vous voulez jouer au jeu Blizz, donc c'est pour repartir avec. Merde, j'ai oublié l'intitulé exact. Qui m'a piqué mes feuilles? C'est où, c'est le CPA, là. Mais alors je sais plus où. Ah oh là là. Voilà, je savais, mais c'était juste l'intitulé exact, le séjour sportif. Ouais. Voilà, pour trois personnes avec transport au centre UCPA à l'occasion de la sortie du film Bliss. Ce sera demain dans toutes les salles et si vous voulez jouer, c'est maintenant que ça se passe au 612, débuté par Énergie, puis vous mettez Bliss avec votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone. Les bonnes résolutions de Michael sur Énergie. Commencer l'émission à 21h et non, on peut pas trop se mentir sur les bonnes résolutions. De toute façon, on les tient jamais. 21h minuit. Michael est sur Énergie. Ouais, tous les soirs, on est là entre 21h et minuit. Il y a 2 secondes, je suis en train de dormir. Ouais. Ah, je suis claqué. Truc de fou. Sandro aussi, d'ailleurs. Ouais. Ah, ouais. C'est le jet. Ah, ouais, c'est dommage, c'est raté. Oui, non, mais oui, bah oui. Non, mais c'est ça, voilà. Comme d'habitude, j'ai fait le malin en arrivant en dernière minute et bah, du coup, je me suis fait baiser. Quoi. C'est pas grave. D'où la tête dans le cul. D'où la tête dans le cul, effectivement, mais c'est pas grave. Bientôt, tu auras ta carte de crédit dans le cul, je suis très content. Hein, pourquoi? Parce que je suis à 33%, donc c'est moi qui vais avoir les fringues. Ah ouais, bah t'enflamme pas, hein. Donc continuez à voter sur amical.fm, vous êtes sur le blog, et puis dans le blog de l'équipe en fait pour voter pour celui qui est le plus mal habillé, j'espère que ce sera moi, donc continuez à voter bien sûr pour moi bien entendu. Hein, donc. Ah oui mais là, c'est vrai qu'il y a du haut niveau quand même, je viens de voir les photos, toi il est loin devant. Hein. Ouais bah ouais, mais en pourcentage aussi? Non, j'ai 15% d'avance sur toi. Ah bon, bah ça va, tout est jouable alors. Ça va jouer entre Toff et Mickaël, ouais. D'accord. Bon, on va jouer maintenant avec Malvina qui est là pour un chéri, je t'ai fait cocu. Ouais. Salut Malvina. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, un peu naze, hein, comme j'ai dit. Mais sinon, ça va, hein. Je suis là, ouais. Je serai là jusqu'à minuit, comme d'hab, pas de problème. Bon, Malvina, alors, t'appelles de Sarcelles, t'as 24 ans et le chéri, je t'ai fait cocu de ce soir. Comment ça va se passer? Explique-nous. Oh là là. Alors, ça va être trop génial, tu vas voir, juste éclater. Ouais, ça, ouais. On sait pas encore, on va voir. Je sors avec un garçon depuis un mois. Mm-hmm. Il est hyper jaloux en fait. Ouais. Ah, bah déjà, ouais, putain, super. Hyper jaloux. Le truc, c'est que je suis partie pour le 31 à une soirée à Paris. Il était pas là. je lui ai dit que je me suis fait draguer et du coup il a pas trop apprécié. Ouais, ouais, en fait tu vas lui dire que tu t'es fait plus que draguer. Voilà. Mais non mais alors ça c'est un truc, c'est le mec il est pas là. Pourquoi il était pas là? Parce qu'il était il avait autre chose à faire. Parce que quoi? Il était avec ses copains. Ah ben voilà, et donc le mec il préfère passer Nouvel An avec ses copains plutôt qu'avec sa meuf, soit pourquoi pas. Et après il se permet de râler parce qu'il y a quelqu'un qui t'a accosté. Bah attends, ferme ta gueule, t'avais qu'à être là. Ça c'est tous les mecs hein. Non, mais pas tout le monde dans le même panier hein. Là, tu sors juste avec un mec qui est surjaloux, donc un idiot hein. Et voilà, mais bon, faisons d'abord connaissance et puis après on verra. Prenons la température. Voilà, on va l'appeler Malvina, donc t'es bien sûr chez moi, on s'est rencontrés le réveil le soir du Nouvel An. Voilà. Et puis on va essayer de le chauffer un petit peu. Pardon ? On va essayer de le chauffer un petit peu. Bien sûr, rien que dire que je suis avec un garçon, ça va le chauffer. C'est parfait. Allez, on y va, je sens qu'on peut bien se marrer. Oh là là. Au plus, il s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux. Il y a des lecteurs Blu-ray notamment à gagner ce soir, d'accord ? D'accord. Allez, c'est parti. Bonne chance, Malvina. En tout cas, elle est toute excitée de le faire chier. Ah oui, je suis content. Alors. Allô. Allô. Ouais. Ça va? Ah, et toi? Ouais. Tu comptes sur toi en inconnu, toi? Hein? Pourquoi quand tu m'appelles en privé, toi? Pourquoi t'es en inconnu? Ah, je suis pas chez moi. Pas très agréable. Ouais, t'es où? Bon, ça va être cash. Je suis pas chez moi. Bien, ça, c'est bien, ça. Je suis pas au courant, c'est cool. Oh là là là là là. Je sais pas quoi. Bah, t'es tu fais ce que tu veux. Ah, oh, ouais, d'accord, c'est ça. Oh, c'est gay. C'est à peine pour dire bonjour, déjà il prend la tête. Que voilà, qu'au bout d'un moment. Ouais, t'es connerie. Tu te rappelles du garçon que je t'ai parlé pour le 31? Ouais. Bah, il m'a rappelé et en fait, je suis pas chez moi parce que je suis chez lui. Sérieusement? Ouais. C'est bien, il a l'air content. Hein? C'est-à-dire, je vois un moment, je vais plus te croire, hein. C'est pas marrant, tu sais. Non, mais je pense que là, tu devrais me croire, en fait. Pourquoi? Parce que je suis vraiment chez lui. Il m'a appelé, et voilà, et je suis chez lui. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la cinquième, c'est la bonne, c'est ça? Ouais, elle fait la maligne. Ouais, au bout d'un moment. J'ai un autre mec. C'est bien, tu me dis ça comme ça par téléphone, c'est marrant, non? Pourquoi tu me dis pas en face, non? Parce que tu sais que tu seras pas crédible. C'est parce que je suis pas chez lui. Quoi? Parce que je suis pas chez lui. Tu m'appelles pour me le dire, alors pourquoi tu m'appelles pour me dire ça sert à quoi? Tu sais, c'est plus simple, tu m'appelles pas, tu fais ta vie de ton côté, et puis voilà, c'est tranquille, tu vois. Mais parce que c'est toujours parce que je t'ai dit que j'allais te le dire quoi qu'il arrive, et que voilà. Ouais, t'as dit t'allais me le dire en face, nanani, nanana, ça par téléphone. C'est bon, je m'en fous, tu vois. Me dis en face, tu viens, tu me le dis en face, comme ça on verra si ça se passe. Là tout de suite je peux pas, je te promets, je suis même pas chez moi, je suis à Paris. Oh, dis-moi t'es où, ben je viens si tu veux, je viens, j'ai la voiture, je prends la voiture, je viens et puis on discute. Voilà, je t'en même pas. Bon t'as fini Malvina là au téléphone ou quoi? Pas encore. Oh. Oh, c'est qui? C'est qui? Bah c'est lui. Wow. C'est bien tout ça, dis-moi. Ben non. C'est bien tout ça, franchement c'est bien, les belles paroles, elles sont belles. Ouais vas-y, reste pas toute la nuit au téléphone hein. Marrant, les marrants, j'ai d'autres choses à foutre. Ouais, hein. Tu veux que je te dise quoi? Bonne soirée. Ah okay. Tu prends comme ça, c'est. Vous dérangez, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je fasse mon bruit au téléphone? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Il a dit il en a rien à foutre. Ah, il en a rien à foutre? Quel con ouais. Alors, oh là là là. Tu me dis ça par téléphone, il va me le dire en face, dis-moi les choses en face. Mais je parie que le mec, il est en train de te dire ouais, bah, tu me dis ça par téléphone, t'es une pute, tout ça, je parie, non? Ouais. Quel bouffon alors. Pas une pute, mais il me dit tout à fait ça, ouais. Quel bouffon. C'est pas c'est qui le plus bouffon des deux, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que t'es un bouffon. Oh là là, en plus il répète ce que je dis, oh là là. Quel bouffon, répète, c'est marrant, non? C'est marrant, c'est bien, vous tapez des barres, non? Tu me fais passer pour un con, t'es avec lui, tu rigoles bien, tu dis ouais, c'est vrai. On se voit jamais, mais tu t'attendais à quoi? On se voit jamais, non? En plus, vous vous voyez jamais? Ça vaut bien la peine. Quel bouffon alors. Non, on se voit jamais, ça existe le travail, non? Je fais quelque chose de ma vie. Hein. Je parie qu'il dit qu'il bosse, tout ça, c'est ça? Ouais. Quel bouffon alors. Ouais, je suis un vrai bouffon alors, c'est ça là, je fasse. Qu'est-ce qu'il dit? On se voit pas le soir. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de s'énerver là. Quel bouffon alors. Non, mais c'est marrant. En plus, tu m'appelles, t'es avec lui. C'est quoi le délire? Rappelle-moi, dis-moi ça tout seul. Il fallait bien que je te le dise. Mais tu me le dis pas comme ça. Je pensais que t'étais une grande fille, non? C'est pas toujours ce que tu m'as répété. T'es pas une grande fille. Mais si, je suis une grande. Je suis une grande fille. Tu me le dis en face. C'est vite fait, non? C'est pas compliqué. Ouais, Alex, voilà, je t'explique. Le mec, tu me fais l'ange, je le revois, je le vois plus souvent que toi. Ça se passe mieux. Ciao, bye bye, non? C'est plus rapide. Qu'est-ce qu'il dit? Pas capable de faire ça, t'as peur de me voir en face, t'as peur de moi, c'est ça? Bon, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas peur de toi, mais bon. Pourquoi tu viens pas me le dire en face? Pourquoi tu viens pas en face? Tu bon, dis, qu'est-ce ouais, qu'est-ce voilà, qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et ça fait combien de temps qu'il veut que j'aille devant lui pour lui dire que je le trompe. Oh, quel bouffon alors. Ça fait combien de temps juste pour ça? Juste que je rigole, vas-y, juste que je me tape un peu une barre, tu vois. Bah, ça fait depuis le 31 en fait. Depuis. Ok, d'accord. J'aime bien. Non, j'adore, franchement, j'adhère totalement. Bah, quoi, il s'énerve encore là? Sinon je lui parle, ouais. je vais direct. Tu veux pas te calmer un peu? Ouais, Alex, fais pas de bêtises, nanana. Toi, je crois pas en toi, moi je sais que tu me fais, je fais pas de conneries, putain, on voit celle des deux qui a été jusqu'au bout. De quoi tu me parles? Allô? Ouais, allô. T'es qui? Je suis qui? Bon, j'étais censé être son copain, non? Ah oui, d'accord, ok. Ah, le bouffon, c'est ça? Ouais, le bouffon, tu sais, celui-là qui t'a pris la patte, ça. Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Celui à qui j'ai pris la place, celui qui a donné. Bon, après, faut voir, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Quoi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux rien du tout, moi. Bah, je sais pas, ton téléphone. Bah, je suis au téléphone, c'est toi qui me parles. Moi, j'ai pas demandé à parler, je parle avec Malvino, après le téléphone. Non, mais il paraît que tu t'énerves, là, et que t'insultes tout le monde et tout, alors faut toi, te calmer. De toi, déjà, j'en suis personne, parce que tu vois, malgré ça, j'essaie quand même d'avoir un respect, parce que je respecte les gens. Ouais. Tu vois, je suis pas encore faible au point d'insulter. Non, mais c'est bien, hein. En même temps, c'est pas ce qu'elle dit, hein. En même temps, c'est pas ce qu'elle dit. T'as écouté ce que j'ai dit? Bah non, je peux écouter, ça me regarde pas. Moi, je suis bien éduqué aussi. Moi, j'écoute pas comme ça. Hein. Mais est-ce que même tu m'as entendu dire une insulte? Demande-lui est-ce que même j'ai dit une insulte. Ah, elle m'a dit que tu t'énervais, que tu l'avais insulté. Écoute bien, je m'énerve. Ça fait un mois, t'es avec une fille, elle te dit ouais, ceci, cela. Ça fait pas un mois, t'en flammes pas non plus, hein. De quoi? Ça fait un mois, t'es avec quelqu'un, tu sais, de t'engager sérieusement. Ah, toi, ça fait un mois? Avec toi, ça faisait un mois? Avec qui d'autre? Ah bah voilà. je crois que tu parlais de moi, c'est pour ça que je dis t'enflamme pas, ça fait jamais que 6 jours. Mais ça va si ça fait un mois, moi je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. Oh ça va! Ça va deux fois. Mais j'avais presque l'esprit. Bah c'est bien, c'est quoi, pendant un mois elle t'appellera, elle te dira ouais, je suis avec quelqu'un d'autre, tu vois, on verra comment tu réagiras à ma place. Moi je m'en fous, moi, tant que je peux la pécho quelques jours. Hein. Putain, si tu veux, viens, on se le dit en face, tu vois, non? Bah, pourquoi faire? Ouais, c'est plus simple. Franchement, moi je vais dire, je suis encore un mec à l'ancienne, tu vois. J'aime bien le face à face, discuter clairement face à face. Ouais, mais si tu veux, il faut vivre avec son temps. Les mecs, ils ont inventé le téléphone, ils sont fait chier à inventer le téléphone pour qu'on aille se voir. Téléphone, on reste des bonhommes, on n'est pas des bonhommes. T'as des couilles, tu les portes, tu viens, tu me dis où t'es, je viens. Ouais, j'ai des couilles, mais elles s'occupent autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi je dis ça à Brian. Tu dis rien, c'est ça, ouais, t'inquiète, on la connaît tous. Ah bon, bah alors très bien. Bon, attends, je te la repasse. Allô? Ouais, écoute, je vais te dire bonne soirée. Ouais, mais t'énerve pas comme ça. Je vais te dire bonne soirée, mais pourquoi tu parles comme ça? Fais ta vie tranquille, c'est quoi, me calcule pas. Mais pourquoi? Écoute, de toute façon, c'est très bien, on habite à côté. Tu me croises quand je le trottoir. Me dis pas bonjour, mais tu rien du tout. Tu fais ta vie, tu me calcules pas, ça me fait pas ça. Je parie qu'il dit que tu fais ta vie, tu me calcules pas, tout ça, c'est ça? Ouais. Quel bouffon, alors. Après, il me dit, l'écoute pas, c'est ça, t'as l'haut-parleur, vous êtes en conférence, vous amusez bien, c'est ça, non? Je parie dit qu'on s'amuse bien là, c'est ça? Non mais ne le prends pas comme ça, Alexandre, ça va. Non, je le prends pas comme ça, écoute, ouais, je le prends pas comme ça. Tu sais quoi, après on ira encore dire les mecs c'est des bâtards. Je parie qu'il dit que là tous les mecs sont des bâtards, c'est ça? D'un côté le 31 on n'était pas ensemble et il fallait s'attendre à ça. Ensemble, il fallait s'attendre à ça, il fallait s'entendre à quoi? Tu sais pas être sérieux, tu sais pas tenir une soirée? Moi je l'ai fait, tu peux pas le faire. Quel bouffon alors. Alex. Moi, je t'ai fait, tu veux pas le faire. Des millions d'autres qui l'ont fait, tu peux pas le faire. Alex. Ouais, c'est moi, Alex. Ouais, je sais que c'est toi, Alex. Bon, reste calme. Enfin, tu me diras, t'es pas prêt. Putain, le mec, il est calme, propre. Mais c'est vrai qu'il est calme, putain, ça nous a fait chier qu'il insulte personne. Ouais, t'as de la chance de l'avoir, franchement. Déjà, j'ai failli arrêter le jeu quand il a dit, ouais, moi, tu vois, moi, je respecte, j'insulte personne. Je fais, bon, bah, c'est mort. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, Alexandre, c'est le chéri, je t'ai fait cocu. À la radio? Ouais, à la radio, ouais. C'est là qu'il va commencer à t'insulter. Ouais. Peut-être, peut-être. Alors, retiens-toi, t'as été bien propre. Mais non, mais les phrases de merde, faut pas commencer les phrases. Allez. Mais elle voulait t'offrir un cadeau, elle avait pas les moyens. Non, donc, c'est pas vrai, ça serait mentir. Elle voulait te mettre des trucs dans la gueule, genre on n'était pas ensemble le 31 décembre, c'est voilà, bien sûr toi, on se voit jamais. Voilà. Enfin, exactement. C'est ça, elle a fait passer les messages. Moi j'écoute la parole des filles parce qu'elle est très bonne psychologue. Bon, Alex et Malvina, restez au standard, on va vous filer le lecteur Blu-ray avec le Blu-ray aussi de Inglorious Bastards. Et puis on va revenir juste après la pub, restez là, bougez pas. Voilà le son des Black Eyed Peas à l'instant, Rock That Body sur Énergie. On mettra un petit son Rock US aussi dans quelques instants. On va récupérer Samuel maintenant pour parler des mauvaises résolutions. Et puis on fera le jeu aussi Bliss, donc pour repartir avec le séjour sportif pour 3 personnes avec transport au centre UCPA. Dès que j'aurai les 2 auditeurs, enfin 2 auditrices qui joueront dans quelques instants. Avant ça, Samuel qui est là donc du 30. Salut Sam. Salut toute l'équipe, bonne année. Ça va bien? Ouais, toi? Bon, ouais, ça va, tranquille. Alors, Samuel, quelles sont les mauvaises résolutions que tu as décidé de prendre pour l'année 2010, puisqu'on avait parlé des bonnes résolutions hier, donc les mauvaises aujourd'hui? Ben, c'est qu'en fait, je prends une mauvaise résolution, c'est je vais me mettre à fumer du shit. C'est une résolution. Ouais. C'était très cool. Non, mais c'est pourquoi très, très cool. C'est quoi la démarche? Parce que tous mes potes dans la classe ils disent que ouais, tu fumes pas et tout, t'es nul, tu fais comme si tu la praline et tout, donc voilà. Bah, c'est justement. C'est ça qui est nul. C'est justement, oui, mais c'est complètement naze, effectivement, ouais. C'est moi aussi, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai jamais commencé à fumer, parce que tout le monde le faisait. Et tout le monde disait, ouais, c'est ça, t'es nul, je suis allé, va te faire enculer. Oui, c'est pour ça aussi que t'as jamais joué au foot. Non, le foot j'aimais vraiment pas, enfin j'aime pas vraiment non plus aujourd'hui, hein, mais bon, je me suis dit qu'il faut bien courir à un moment ou à un autre, mais voilà, quand mais tes potes pour la club c'est nul. Quand ils seront tous des larves à pas aller bosser, à rien foutre, et que toi tu seras actif et que tu te taperas toutes les meufs, ce sera mieux, non? Pourquoi t'as rajouté tu te taperas toutes les meufs? Parce que quand une meuf, je suis pas sûre qu'elle soit attirée par un mec qui glande rien, quoi. Qui glande rien et qui fume qui est complètement et qui passif est, et qui n'arrive pas à bonder. Ouais, abuse ouais, pas. Bon, il paraît que c'est prouvé, hein. Ah bon? Ah bah regarde, Michel, il en rigole tellement c'est vrai. Tellement ça lui est arrivé. Parce que je l'ai vu déjà, lui. Non, hein. Abuse pas. Ouais, c'est ça. Si, ça doit arriver chez certains. Non, mais Michel, il a un autre problème, c'est qu'il a besoin de plus de sang pour le faire monter. C'est clair. Non, mais sincèrement, après, tu fais ce que tu veux, hein, Samuel, hein, t'es assez grand, hein, mais voilà, si tu. Encore, tu dis tu fumerais parce que t'es attiré par le truc, tu veux essayer tout ça, bon, ah ben soit. Oui. Ah ben mais c'est sûr, ouais, ça me plaît, mais en plus, c'est pareil que ça relaxe et tout, donc autant essayer, quoi. Mais pas pour tout le monde, ça dépend des gens. Il y en a que ça relaxe, effectivement. Il y en a d'autres, si t'es un peu fragile, ça peut te rendre complètement. Psycho. Psychopathe, quoi. Tu peux passer ton temps à cogiter, devenir une larve, être parano. Enfin, il y a plein d'autres degrés, hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui prient pour arriver à se débarrasser, à arriver à s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Toi, t'es pas accro et tu fonces dedans les yeux fermés. C'est ça. Puis en plus, tu t'en rends pas tout de suite compte quand t'es accro, hein. Voilà. Mais bon, après, voilà, je suis pas là, je suis pas ton père. Je suis pas ton père, hein. Fais comme tu sens. Après, tu regretteras plus tard, certainement, hein. Même plus que certainement. Mais bon, après, voilà. Après, c'est en faisant les conneries qu'on se rencontre en général, hein. Mais voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, t'as nos avis, hein, Samy, hein. D'accord. Tu fais comme tu sens après. Hein. Salut à toi, Samuel. Est-ce que c'est possible que tu m'offres une compil Energy Music Award? Non. D'accord. Ah non, on va pas offrir une compil à un toxico, merde. C'est vrai. Ah non, c'est pas vrai. Ouais, exactement. Ouais. Bon, salut Samuel, tu vas gérer avec Michel Standard. À bientôt. Salut tout le monde, ciao. Ciao, à bientôt, bye bye. Bon, et nous allons jouer maintenant au jeu Blaze, donc le film qui sort demain dans toutes les salles. Il y a Laetitia et Astrid qui sont là, Laetitia du Havre. Comment ça va? Salut. Ça va? Bon, tant mieux, oui, ça va bien. De l'autre côté, Astrid, 22 ans de Versailles, comment ça va? Salut! Pardon? C'est bien. Ah oui, c'est ça, oui. Oh, quelle horreur. Bon! chien là, sous sac ou ouais, j'ai changé les paroles. Ils ont pas su ensemble. Que ce que j'ai envie, moi. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, disons, je sais pas ce qui t'arrange là. Ouais. Bon, Laetitia et Astrid, on va donc jouer. Donc, vous allez mettre en avant une femme people. Et vendredi la finale qui permettra à l'une d'entre vous en fait donc de repartir avec le séjour pour 3 personnes avec transport au centre UCPA. Quelle est la fille la people qu'on met en avant ce soir? Je propose que comme il y a les Spice Girls, on fasse Victoria Beckham. Victoria Beckham, d'accord, ok, oh, très c'est bien. Dur de la défendre, hein, girl power. On avait déjà choisi quelqu'un, non? Je sais pas, Micha. Il y a déjà une people de prévu ce soir. Oui. Qui ça? C'est Loana. Ah oui, c'était Loana. Oui, j'aurais bien fait Victoria Beckham. Moi, Loana, c'est plus drôle. Ouais. Moi qui ai choisi Loana. Ah ouais, ça m'étonne pas. Non, mais pour une fois, voilà, elle aura des bonnes critiques. C'est vrai. Bon, Laetitia et Astrid, on va la jouer au battle. Donc, chacune d'entre vous, l'une après l'autre, évidemment, doit donner quelque chose, doit dire quelque chose de bien sur Loana, qu'elle pense de bien, etc. Bon courage. Et celui et celle qui n'a plus d'idées aura perdu, ou celle qui répète une fois, deux fois la même chose aura perdu aussi. Ok ? Bon, allez, on a la pièce là, bien sûr attention. Tu choisis quoi, Laetitia ? Passe. Attends, je recommence alors. Moi aussi, je parle à Astrid, je trouve que la presse peut décerner sans raison parce que c'est une femme qui réussit dans la vie. Attendez, vous enflammez pas, on a même pas encore jeté la pièce. c'est pile. Bon, bah du coup, c'est à toi, Astrid. Alors, je trouve que la presse se dessine sans raison contre une femme qui a réussi dans la vie. D'accord. On a dit qu'il fallait être vrai aussi. Hein, bon. La presse la défend sans raison. C'est ça que t'as dit ? Ouais, sans raison, ouais. D'accord. Moi, j'aurais dit elle se défonce sans raison, mais... Non, mais elle a réussi sa reconversion après... Qu'est-ce qu'elle a fait comme jeu ? Elle a fait Loft. Le loft. Ah ouais, elle a fait quoi dans son reconversion ? Son but, c'était de devenir people, elle l'est devenue. Donc, elle a réussi. Ouais. C'est vrai. Bon, bref, à toi, Laetitia. Elle a quand même elle est blonde, pas trop. Elle est intelligente quand même, elle a des gros seins, on en sort quand même. Ah, il n'y a que gros seins qui est plausible comme argument. Ouais, parce qu'intelligente, non. Bah, elle est blonde. Bah, on peut être blonde et intelligente, hein. Oui, on peut, ouais, mais c'est pas obligatoire non plus. Pitof, tu la connais pas personnellement non plus, donc. Oui, ça c'est pas faux non plus, effectivement. Bon, on valide cet argument ? Bon, on valide, allez, c'est bon, next. Vous êtes gentil, hein. Astrid. Elle se fait battre, mais elle relève la tête. Elle fait quoi ? Elle se fait battre par son mec, mais elle relève la tête. C'est pas son mec, argument refusé. Ouais, ça va, tu chipotes pas. Quoi ? Si, elle s'est fait taper dessus par son mec récemment, là. Bah oui. Il me semblait aussi. Ouais. Il me semblait aussi. Très bien, suivant. Elle relève la tête. Elle a créé une société quand même, donc elle est quand même intelligente. Elle a créé une société. Puisqu'elle fait des fringues pour Validez, t'emmerde pas. si, attends, vas-y, j'aimerais bien savoir jusqu'au bout. Elle fait quoi comme fringue? Pour les gosses, je ne vais pas dire la marque. Elle a une marque de vêtements. Ah bon? Ouais, Gémeaux. Gémeaux? Ah, c'est Gémeaux? Ouais. C'est Gémeaux, dans l'enseigne Gémeaux, elle a une marque de fringues. Ah, Gémeaux, ouais, ah oui, d'accord. Oh, d'accord. Oui. Bon, next. Allô. Allô. Ah bah oui, mais elle cherche. Elle cherche avec ses copines, si je puis me permettre. Ouais. Elle assume son corps et sa féminité en mettant des vêtements hyper sexy qui la mettent bien en valeur. Ouais. C'est toi qui avais parlé des gros seins tout à l'heure. Notre gueule, non, c'est moi. D'accord. Ouais. Next. Ça devient difficile maintenant. Ah, ça va être perdu. 3, 2, il y en a une qui joue pas toute seule. 0. Loana, c'est pas super facile de lui trouver des arguments positifs. Hein. Bah, c'est vrai. T'aurais dit ça, peut-être que ça aurait été validé, cela dit. Hein. Bon, bah, c'est dommage. Tant pis, Laetitia. C'est Astrid qui gagne cette manche, en tout cas. Hey, Astrid, on a passé l'éponge ce soir, mais le jour de la finale, tu vas nous mettre tes copines dans le placard. Hein. D'accord, pas de soucis. Ouais, pas de soucis, ouais. Je peux aller au placard ou pas ? Gros bisous, non. Gros bisous, Astrid. Ouais, d'accord, pas de soucis. À vendredi. Et Laetitia, bah écoute, tu reviens quand tu veux, hein, d'accord ? Ok, merci. Salut, bisous, Laetitia, à bientôt. Ciao, bye bye à vous. On rejouera bien évidemment demain dès 21h. Et puis là, on va se faire avant le mag le son de Christophe Maé sur Énergie. Le son de Christophe Maé à l'instant, dingue, sur Énergie tous les soirs entre 21h et minuit. On est là, vous lâchez toujours vos messages au 612, bien évidemment, avec un petit son rock US qu'on va faire dans un instant. Et une fois n'est pas coutume, nous sommes en retard. Nous allons passer tout de suite au mag du jour. Le mag du jour, c'est un tour d'horizon de l'actu condensé, revient notre sauce. Et on attaque avec ce premier titre. titre dans l'actu du 5 janvier. C'est Roselyne Bachelot qui a décidé d'annuler une partie de sa commande de vaccins contre la grippe A. Ça y est, elle a compris qu'il y en avait trop, Bobonne. Mais, ça y est, mais ça lui a mis du temps. Hein. Donc du coup, la France reste avec un bon stock de Tamiflu, en gros. Hein, ça, c'est pire qu'un bon stock, c'est un tiers de tous les vaccins disponibles sur Terre qui sont en France. Ouais. Et surtout que le Tamiflu est pas efficace contre la grippe A, mais bien contre la grippe aviaire. Du coup, la question c'est... Qu'est-ce qu'on va foutre de stade vaccin à la con? Ah bah Bachelot a trouvé une solution, elle a proposé de l'offrir à Noël à tous les gens qui sont aux acédiques. Hein. Ouais. Au moins comme ça, ils auront un cadeau. C'est Besson qui a proposé de les envoyer en Afrique. Bah, ça leur fera un petit quelque chose à manger quoi. Oh. Ouais, bah, ça va se terminer avec Sarko qui va obliger les Français à tous avoir une dose chez eux sous peine d'amende. Et l'affaire sera vite réglée. C'est vrai que le meilleur moyen de se séparer d'un vaccin contre une bactérie d'un canard, évidemment, c'est de le refourguer à des pigeons, c'est voilà. Clair. Bon, on continue notre tour d'horizon de l'info avec la plus grande tour du monde qui a été inaugurée hier à Dubaï. On l'a vu cet été, c'est vrai qu'elle a de la gueule. Hein. Ah, je te confirme, 828 mètres de haut, visible depuis 95 km à la ronde, 3000 places de parking, 4 piscines, un hôtel de luxe, 7 ascenseurs qui montent à 40 km/h, 161 étages, la classe. Ouais, mais il y a un problème quand même. Oui, effectivement, c'est vrai, effectivement, ils n'ont pas encore trouvé de concierge pour laver les carreaux. Mais bon. Bon, on termine avec de la téléphonie, alors que 2 smartphones sur 3 en France sont des iPhones. Google a décidé de contre-attaquer en sortant son propre appareil, le Nexus One. Et quoi, il est vraiment mieux que l'iPhone? Bah, il y a une caméra, 2 micros et tu pourras dicter tes mails. Hein, mais voilà. Mais cela dit, vous imaginez si d'autres sites internet sortaient leur téléphone, ça pourrait donner quoi? Ah bah, genre le Facebook Phone ou l'eBayPhone. Par exemple, ouais, ou le Twitter Phone. Attends, avec des SMS. Ouais, c'est vrai, 160 caractères, ça aurait été chiant. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura jamais le mikael.fm phone. Hein. Ce sera éternellement en construction. C'est malin, ça. Bon, en attendant, je vous apprends que le nom de ce nouveau téléphone, Nexus, donc, est issu d'une drogue hallucinogène psychédélique et qu'il coûtera $580. Ah, bah c'est le prix qui explique le nom, quoi. C'est-à-dire 580$, c'est une alu. Ouais, bon, effectivement. Bon, avant d'attaquer les infosports, on va faire un tour du côté du compte du jour. Et c'est celui de Roux qui est à l'honneur ce soir. Si, il a trouvé un nom mexicain qui est un gros con. Ouais. En fait, ça se passe à Valle Hermoso, dans une prison. On est le 31 décembre et il y a un des détenus qui a décidé de profiter de la nouvelle année pour s'évader. Bah, c'est un bon moment. Ah oui, c'est une bonne idée. Alors, je sais pas s'il espérait que les matons seraient trop bourrés que pour le gauler ou. Enfin bon, je sais pas. Mais en tout cas, il met en place son plan. Et alors, à votre avis, comment il va tenter de s'évader? Je sais pas, il met les plans de la cellule sur son corps. Son corps, ouais. Il aurait pu faire ça. Ouais, ou alors il y a la méthode Scofield, sinon il y a la méthode Mesrine aussi, il y a la fusillade. Ouais. Non. La méthode Trébert, le carton. Ouais, ou alors il peut se découper un faux pistolet dans du bois. Là, il y en avait un qui avait fait ça il y a pas longtemps. Ah bon? Ouais, il avait découpé en fait dans le bois à l'atelier, il avait découpé un pistolet. Il faisait croire que c'était un vrai. Ah, c'est ça la réponse? De quoi? Ta réponse, c'est ça? Ouais. Eh ben, c'est pas ça. Pas du tout en fait. Ça. A priori, ça faisait longtemps que le détenu n'avait pas été au cinéma. Du coup, il a juste décidé de tenter de passer à travers les barreaux de la cellule. Alors, je sais pas comment sont les prisons au Mexique, mais il devait pas avoir de miroir puisque mon con est bien trop gros et du coup, il est resté coincé. Quel idiot alors. Et le pire, c'est qu'il est resté calé pendant un bon bout de temps avant qu'il appelle les matons à l'aide. Forcément, il doit avoir un peu la honte. Ils se foutent de sa gueule, les autres prisonniers. Exactement, ils sont. Ben non, mais les matons. Les matons se sont foutus de sa gueule parce qu'en fait, ils ont dû disquer les barreaux de la cellule. Oh la honte. Cool. Oh la honte. Bon, merci Leroy pour ce magnifique co du jour. On peut maintenant poursuivre avec le sport et de la Formule 1 en particulier. Vous le savez, Michael Schumacher donc, va revenir sur les circuits au volant d'une Mercedes et ce n'est pas le seul retour auquel on pourrait avoir droit cette année puisque un tribunal a annulé la radiation à vie de Flavio Briatore. Ouais, c'est le mec qui avait ordonné à un pilote de se cracher là pour magouiller une autre victoire. Hein. C'est ça, effectivement, tout à fait. Et lorsque le papa de ce pilote a tapé scandale, la Fédération Internationale Automobile avait décidé d'interdire Briatore à vie du circuit. Donc il pourra bientôt être de retour, il pourrait même bientôt être à la tête d'une nouvelle écurie. On espère pour lui qu'il n'a pas perdu la main. Non, t'en fais pas, il a continué à coacher des pilotes pendant son temps libre. Ah ouais, il a coaché qui? Bah, Jocelyn Kiévra. Comment tu crois qu'il s'est craché sur le pont de Saint-Cloud? C'est moche, Jacques. Oh, c'est vraiment... Bon, on continue dans le sport avec du football. Oh. C'est le mercato d'hiver, mais aucun transfert croustillant n'est encore à noter. Du coup, on va parler des droits télé. On connaît enfin la répartition par chaîne de la prochaine Coupe du Monde en Afrique. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Attends, je t'explique. TF1 a acheté l'intégralité de la Coupe du Monde. sauf qu'ils veulent pas tout diffuser, ils veulent pas diffuser tous les matchs. Alors ils voulaient les revendre à d'autres chaînes comme M6, sauf que TF1 a acheté tout ça avant la crise. Ah oui, du coup dans le cul. Et oui, puisque M6 n'a plus les moyens d'acheter quoi que ce soit, TF1 a été obligé de brader les droits à France Télévisions et Canal+. C'est-à-dire donc pas de Coupe du Monde sur M6. Ouais. Oh putain, on n'aura pas tiré Roland. C'est pire que ça. Finalement, TF1 a acheté tous les matchs de la Coupe du Monde une fortune, les a revendus une bouchée de pain pour finalement diffuser que les matchs de l'équipe de France. Ouais, donc là on peut annoncer qu'il y aura que 3 matchs sur la une. Ouais, enfin, ça on verra. Mais le plus con, c'est que France Télévisions et Canal vont diffuser des matchs en simultané. Oh non. Et ça c'est beau, hein. Quel est l'intérêt d'aller payer Canal Plus pour avoir un truc gratos de côté. T'es en train de nous dire que en plus de se taper des gens qui vont klaxonner pendant un mois dans la rue, on va aussi se taper le même match sur plusieurs chaînes. C'est ça, exactement. Je vais partir vivre dans un autre pays où il n'y a pas de foot. Pas de télé, pas de mec, j'aurai enfin la paix. Il y en a des pays comme ça, mais ils n'ont pas de Nutella par contre. Tu fais comme tu veux. Ouais, c'est ça, après il faut choisir. Voilà, ce mag du jour touche à sa fin, mais avant de le terminer, on va faire le traditionnel quiz des citations. À votre avis, qui a dit l'équipe de France, ça peut se refuser? Laurent Blanc. Effectivement, bonne réponse, oui, tout à fait. Pas mal, Roux. C'est pas mal, Roux. C'est son domaine, c'est un peu normal. Ouais, enfin bon. C'est vrai. Qui a dit ceux qui crachent en l'air ont toujours le crachat qui leur retombe dessus? Plein de monde. Ouais, mais là, j'en cherchais en particulier. C'est un sportif? Non. Politique. Ah, politique. Sarkozy? Non. Julien Drey? Non. Ah oui, oui, Julien Drey, effectivement, député de l'Essonne. Hein. Ouais, ouais, mais t'as triché, là. Non? Non, j'ai pas triché. T'es sûr? Non, mais c'est lui qui s'est fait. Il y a eu une campagne contre lui où il s'est fait démonter. Bon, il a dit ça à propos de ses partenaires du PS qui l'ont démonté justement alors que la justice le soupçonnait d'avoir détourné de l'argent. J'ai pas triché. C'est ça, ouais. Non, je te promets. Bah, et le troisième, qui a dit je n'ai jamais pensé que je pourrais devenir un top modèle? Ketnos. Je te confirme, ah, putain, vous êtes fort. Oui, c'est vrai, effectivement. Bonne réponse. C'est vrai que, franchement. Elle est pas terrible, hein. Elle est vraiment pas terrible, non. Je trouve. Enfin, après. C'est vraiment pas terrible. Bon, là, elle sait faire faire un peu les seins, ça va un peu mieux. Mais non. Si, bon, si, j'ai l'impression que dans la dernière pub qu'elle a faite, oui, elle a fait. Oui. Ouais, elle s'est pas fait refaire les seins, c'est le bustic, ça. Ah, ouais, d'accord. Voilà, ah, moi, je pensais qu'elle s'était fait rajouter une taille, au moins. Non, non, franchement, c'est vraiment pas exceptionnel, hein, mais. Voilà, ah, si. Le franchement, visage. Si elle se rajoute des seins, elle va ressembler à une bite, hein. Non, sérieux? Ah, t'es vulgaire! Franchement, je suis choqué aussi, ouais, c'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Bon, allez, c'est tout pour le mag du jour. Retour du mag du jour à l'autre jour. Et on revient dans quelques instants, juste après la pause, avec le son de Soundgarden. On donnera les résultats aussi au niveau des fringues. Là, on parlera des salaires des acteurs et actrices des télés françaises. Ils se gavent, ils se gavent. Ils se gavent leur mère, hein, c'est clair. Tant mieux pour eux. Hein. Et on fera, c'est oui, c'est vrai. Et on fera un QPR aussi dans un instant, et on écoutera donc le groupe de Chris Cornell, il y a plus de 12 ans, Soundgarden. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Roux va soulever de la fonte pour se faire des pecs. Yeah. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà le son de Soundgarden à l'instant, Black Hole Sun. Et merci à Maud sur le chat sur Mickaël.fm qui me confirme donc que c'était bien en 93. Voilà, et puis donc Chris Cornell qui avait fait la BO de James Bond, celle qui est encore là, Casino Royale. Casino Royale. Casino Royale, ouais, voilà. Donc Chris Cornell qui avait fait, cette chanson. Donc c'est le même chanteur que Soundgarden en fait, tout simplement. Sandro? Quoi? Non, t'iras pas au McDo. Non, c'est pas bleu, il va pas me donner une réponse. Il est relou ce mec, putain. En plus, c'est déjà. C'est pas grave, tu seras balancé à la première erreur. Vous avez échangé, Roux et Top, là? Ça fait trois fois que tu parles sans mettre ton micro. J'ai oublié d'allumer le micro. Bah oui, effectivement, oui, c'est dommage. Hein. Je suis fatigué. Bon, toi aussi. Pauvre Roux. Pourtant, tu peux pas avoir de jet lag puisque tu es rentré le 31 dans la nuit. Ouais, mais attends, tu sais que j'ai. Que tu as fait nouvel an dans les aéroports. Pour récupérer, j'ai pas dormi pendant 36 heures. Oh. C'est dur. Oh, tu veux qu'on verse une larme? Ouais, je veux bien, un cierge, brûle un cierge. Tu veux qu'on te plaigne? Ouais. C'est ça, ouais. Alors qu'il y en a qui n'ont jamais pris vacances de leur vie. Ouais, bah, qu'est-ce que je te dise, hein, je veux pas essuyer la misère du monde, je m'en fous. Oh là, quelle violence, Roux. Non, ouais, je suis pas violent, mais qu'est-ce que tu veux, je pleure. Vous avez déjà mangé du riz? Bah, tu viens de nous demander d'allumer un cierge pour toi, là, hein, je te rappelle. C'est hein. Ça, parce que t'as, pas dormi pendant longtemps. Oui. Sale con, va. Putain, il est gonflé quand même, hein. D'ailleurs, t'as gonflé, effectivement. Ah ouais, ça, ouais. Si t'avais donné un peu à tous ces gens qui n'en ont pas. Ouais, voilà. Quand il gonfle, ça le rajeunit, je trouve. Ouais. Je sais pas, toi. De quoi? Tu donnes pas aux gens, toi? Mais parce que j'ai pas gonflé, moi. T'as pas gonflé? C'est quoi le rapport? En 5 ans, t'as pas gonflé? Ah si, en 5 ans, oui. Mais pas en une semaine de vacances. Ouais, parce que là, t'as pris. Enfin bon, bref, ne rentrons pas dans le détail. T'as bien fait sans votre palais avec. Hein. Ah bah oui, déjà que j'ai gonflé moi en restant là, alors je t'ai dit pas en partant. Hein. C'est-à-dire que là, ça aurait été... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu y aller. Hein. En plus, avec Pablo, tu vois, un mec qui fait 115 kilos, ça t'engraine à être gros. Ah bah ouais, ouais c'était foutu là, hein, avec entre Pablo et Roux. Ouais, parce que le Roux qui est beaucoup plus mince que Pablo, même beaucoup, beaucoup plus mince. Ouais, mais c'est un bouffeur, il a la bouffe facile. Ouais. Oui, mais justement, le problème, c'est quand tu vois Pablo manger, tu dis... Oh, ça va. Bah, je vais manger. Et ah, puis, oui, tu sais, quand il dit, allez, viens, tu dis... Non, non. Bon, t'as vu comment il est gros par rapport à moi. Allez, j'ai de la marge. J'ai de la marge. Et c'est quand tu reviens et que tu côtoies... Mais c'est pas une référence non plus de... Non, non, c'est... Et c'est quand tu reviens et qu'après tu recôtoies les gens qui sont dans le même gabarit que toi, que tu te dis... Ouais. Quand même. Tu te dis ça exactement. En tout cas, moi, je remercie la bactérie qui m'a fait chier pendant deux jours. C'est le cas de dire. J'aurais rêvé l'avoir. Hein. Ah putain, 3-4 kilos de perdu là. Sans rien foutre. Tant mieux. C'est n'importe quoi. L'autre, vous espérez avoir la chiasse. Non, j'ai pas espéré. J'ai dit que comme je l'ai eu, j'ai perdu 3-4 kilos. C'est ça existe, hein. Le laxatif, hein, ouais. C'est gros, si tu veux. Oui, c'est vrai. Hein. Non, mais je vais pas provoquer ça non plus. Faut pas déconner. Je suis pas taré à ce point-là. Hein. Ouf. Ouf. Non, franchement, non. Je fais un régime dans les règles de l'art. Je vais chez un nutritionniste. Les règles du lard, ouais. La limite est là, hein, oh, bon. Faites-moi pas chier, merde. Ouais, ouais, c'est ça. Non, laissez-moi tranquille. C'est ça, t'inquiète pas. Bon, on va bouffer un McDo, quoi. Bah, moi, je suis partante, franchement. J'ai aucune conviction. Un quick. Mais tu commençais pas à régime aujourd'hui. Si, mais aujourd'hui, je l'ai suivi, hein. Mais juste. Mais je peux le niquer en 5 minutes. Jusqu'à 23h20. C'est ça, c'est dommage. Hein. Ouais. En plus, c'est le Rocky Pie, il a reçu une nouvelle carte. Non, il veut pas. Non, mais j'irai pas parce qu'il veut pas y aller. Ah bon, bah tant pis. Pas dépensé. Ouais. Bon, allez, on va parler des acteurs et des salaires des acteurs et des actrices françaises des séries télé, donc, hein. Et franchement, c'est honteux. Comme on parlait d'Oseille juste avant, payer aussi cher pour des séries aussi pourraves. Non, franchement, avant. Non, mais ça, tu dis pourrave, mais je suis sûr que c'est des séries qui cartonnent. Non, mais je dis pas le contraire, ça peut cartonner, mais ça reste mauvais. Enfin, je trouve, en tout cas, après, c'est mon avis. À votre avis, qui est la première, hein, parce que oui, c'est une femme, évidemment. Joséphine. Hein. Elles sont même deux, enfin, plutôt une et demie, donc effectivement, Mimi Mati. C'est générique? Ouais, c'est générique, ouais. Joséphine, ça. Ouais. Mais écoute, si c'est ça, il y a côté. Ouais. Mimi Mati et qui? Il y en a deux, hein. Ils sont pas la même série, hein. C'est quelqu'un de plus belle la vie, non? Alors non, elles sont première ex aequo avec 250 000 euros par épisode. Après, c'est plus que House qui n'a que 210 000 euros par épisode. Ah, c'est Joséphine quelque chose. Non, bah non, c'est Mimi Mati et l'autre. Il y a quoi comme série plus belle la vie? Joséphine Ange Gardien. Il y a quoi comme série? Non, Navarro, ils ont arrêté. Elle est... Julie Lescaut. Véronique Jeunesse, ouais. Ah ouais. Oh, 250 000 euros par épisode. Bah non, mais c'est pas ça possible. C'est qu'elle touche plus que House. Non, ça peut être possible. Moi, j'y crois pas. Hein. Non, c'est pas possible. Non. Eh oui, mais vous y croyez pas. C'est sûr que t'as bien dit ton truc. Eh oui, Véronique Jeunesse, première ex aequo, 250 000 euros par épisode. Dr House n'a que 210 000 euros. Par épisode. Par épisode, ouais. Ah ouais, like. Non, c'est pas possible. Bah si, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah mais il te l'a dit au début, c'est honteux, t'imagines qu'elles sont payées plus que Dr House, quoi. Ouais, je sais pas, on attend un démenti. Bah oui, écoute, qu'est-ce de que leur je te part. Dis. Bon, qui est deuxième? Voilà, ça devient dur. Une meuf ou un mec? C'est Sous le soleil. C'est un mec. Jean-Pascal Lacoste. Non. Navarro. Non. Fini Navarro. Il y a plus, c'est vrai qu'il y a plus beaucoup de séries là en France. Ah bah, tant bien. Donc qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme série Plus belle la vie. Enfin c'est. Non, c'est... Plus belle la vie, ils sont super mal payés ces gens. Non, pas tous. Il y en a deux trois qui touchent bien. Non mais c'est une série. C'est pas. Quoi? Une série. Donne-nous la chaîne. Trois. Ah oui. Ah, impossible de savoir son nom. Il a joué avec Pierre Richard dans le vieux là. Comment il s'appelle, putain? Le vieux qui fait un carton à chaque fois qu'il passe sur France 3 le vendredi. Plus, il fait plus mal, c'est fini. Je sais pas, je connais pas. Louis. Ah, Louis Labrocan. Louis Labrocan. Il prend combien, lui? Alors, donc Victor Lanou, hein, c'est son nom qu'on cherchait, qui prend plus que Patrick Dempsey de Grey's Anatomy. Mais il prend moins que les deux à 250 000, donc je sais pas. Allez, 200 000. 200 000 euros, 25 000 euros de plus que le docteur Mamour. Qu'est-ce qui se fait chier dans une brocante? Je sais pas, ouvre un musée. Bah là, ça rapporte à brocante, mais. Non, mais là, il a arrêté là pour des raisons de santé. Ah, c'est fini? Bah, il a fait une rupture d'anévrisme. Ouais, mais il va reprendre là. Il va mieux. Non, mais justement, ils ont arrêté le. Ils arrêtent parce que justement, il a plus envie de. Enfin, c'est ce qu'il avait dit dans une interview. Ouais, il a plus envie de risquer. De toi. Non, mais vu là, il est Victor à la nous. Mais non, mais c'était passé sur TF1. Ah. C'était passé chez Nico. Et donc voilà, je crois que c'était juste ça. Il avait plus envie de risquer. En même temps, avec l'oseille qu'il a, je veux dire, profite des jours qui te restent, quoi. Prends la tête, quoi. Bon, troisième place, c'est. C'est quoi. En général, on. Je donne un indice. Hein. On dit des Français qui le sont constamment, c'est insupportable. Aigri ? Monsieur non. Con ? Non. Les Bougons ? Non. Nouvelle série de France 3, Les Bougons. Non, mais on cherche de l'acteur ou l'actrice. Là. Ouais. Ah oui, bah oui. Moi, je connais pas les séries. Une meuf ? John Crum. Ouais, c'est une meuf, ouais. Qu'est-ce qu'on dit des Français en général dans la terre chiants. Entière, le sait. Ils sont chiants, ils sont relous. Chauvin. Ouais. Ah oui. Ingrid Chauvin avec 150 000 euros par épisode des Toqués. Ouais, Les Toqués. C'est la nouvelle série qu'elle fait, Ingrid Chauvin. Ouais. C'est un peu plus qu'Eva Longoria qui ne gagne que 140 000 euros par épisode de Desperate Housewives. Bah, attends, on n'est pas le 1er avril, Mike, là. Hein. Bah, arrête de dire me faire chier c'est avec ça. C'est pas possible. Là. Et juste derrière, à votre avis, c'est. Encore une meuf. Qui jouait dans une femme d'honneur. Ah, c'est la copine de Chauvin, là. Merci, mais pas comment elle s'appelle. Natacha Amal, non. Non. Ouais, Florence Cacahuète, là. Florence Pernel, ouais. Voilà. Et là, c'est pour sa prestation dans la nouvelle série TF1, Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes. Et pour ça, elle prend entre 80 et 100 000 euros par épisode, ce qui reste plus que les salaires des acteurs de Nip Tuck. Ça, c'est ouf, là. C'est ouf, les chiffres. Enfin, pas les chiffres, mais les comparaisons avec la série américaine. Ouais. En ouais. Parlant de nouvelles séries sur TF1, demain, il y en a une nouvelle qui démarre, ça s'appelle The Mentalist. Ah, c'est fort, ça. C'est bien. Ah, mais c'est comme, le truc qui était sorti il y a un bout de temps déjà, ça fait 10 ans, il y avait une série comme ça... C'était une blonde qui... Profiler. Ah non, ouais, mais je crois que ça ressemble à ça. Profiler, c'était la mentaliste, c'est un espèce de voyant quoi. Enfin, c'est un. Ouais, c'est un gars qui des flics. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, et puis pour finir, Linda Hardy qui a pris combien pour la nouvelle série de Canal+, L'École du pouvoir. Ah, elle a pris beaucoup dans son cul, elle. C'est mauvais goût. Oh, elle a pas été payée en nature. Bon, bah, elle a presque rien demandé, hein, juste un petit défraiement entre 50 et 80 000 euros par épisode. Ça va, c'est pas... Ouais, la pauvre. Ouais, c'est le petit... Ouais, mais c'est des petites séries sur Canal, il n'y a qu'une dizaine d'épisodes. C'est la poussière de la série télé française. Ouais, je suis assez déçu quand même. Enfin, n'empêche, c'est ouf le pognon qu'ils prennent. Ah bah là... Le pognon à la rigueur, ouais, mais c'est la comparaison avec les séries américaines, c'est pas normal. C'est clair, il y a vraiment un problème, enfin bon. Ou alors c'est parce qu'ils en font plus aussi aux États-Unis des épisodes. C'est 24. C'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Bon, mais la rencontre, j'ai l'impression qu'il y en a toutes les semaines. On revient, oui, mais c'est des vieux. On revient dans quelques instants avec le question pour une réponse. Sur Al Polo Show également avec le nouvel horaire depuis hier, et puis on fera les résultats aussi des gens de l'équipe. Ouais, là, je suis dégoûté. Parfait, les plus mal habillés, bougez pas. Ça fait 5 ans, 5 longues années, et Mickaël est toujours là le soir sur Énergie. Pour attaquer 2010, il n'y avait pas de pire nouvelle. Mickaël sur Énergie, 2005, 2010. Enfin, 21h minuit, quoi. Eh ben oui, 21h minuit. On est là comme tous les soirs, vous lâchez toujours vos messages. 612 débuté par Énergie, vous tapez ça aussi sur mikael.fm et vous pourrez comme ça donc devenir fan aussi notamment du fanbook de l'émission ou aller sur twitter.com, voilà, sur le Twitter de l'émission, donc mikael.fm. On va donc jouer maintenant aux questions pour une réponse avec Marie et Amélie qui sont là toutes les deux. Bonsoir les filles. Salut tout le monde. Salut. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Bon, oui, ça va bien, ouais, tranquille. Bon, alors, Marie, on va jouer aux questions pour une réponse. Tu veux jouer avec qui? Avec Jack. Ah. D'accord. Et Amélie, tu veux jouer avec qui? Avec Toff. C'est un très bon choix, Amélie. Combien mesures-tu, Amélie? 1m77. Combien pèses-tu? 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90D. Et la taille d'un pantalon? Combien D? Et la tête du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Oui, c'est pas mal, c'est honnête. Hein. Écoute, je vais essayer de te faire gagner. Alors, au pire, je donnerai de ma personne. Hein, si oh, super, voilà le cadeau. Mais ça, c'est vraiment super. Alors, hein. C'est vraiment. Non, c'est. Génial, ouais. Un vrai drame. Bon, ouais, c'est heureuse. Marie, ouais, elle a l'air, ouais. Mais elle a raison. En même temps, elle a déjà dû voir la photo. Hein. Bon, non, on va. Ah, en plus, ah bah putain, on va pas voir la photo alors. En plus, j'ai plus aucune chance de gagner en plus. Là. C'est ça, ouais, t'as raison. Bon, Marie et Amélie, nous allons maintenant jouer à question pour une. Réponse. Bonsoir à tous, un Installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez, question pour une réponse. On y va, c'est parti. Sandro ne joue pas, donc on est tranquille. Tout va bien, je n'aurai pas mal au crâne. Je repos ce soir. Dans moins de 20 minutes. Bon, Marie et Amélie. Marie, tu joues avec Jack. Amélie, tu joues avec toi. Vous êtes prêts tous les deux? Ouais. Attention. Top. Je suis long, parfois mou et parfois dur. Tout dépend bien sûr comment on m'aime. Je peux même être sec si je viens de... Oui. Un café. Non. De Turquie, en arabe, je signifie mirkaz. Et je suis souvent rouge ou marron, au contraire d'une de mes cousines. Oui. Un piment. Non. Je suis légèrement épicé et mon intérieur est composé de cumin et de poivre. Mais je suis aussi un véritable agent secret car ma viande varie selon mes religions. En effet, je peux être au porc, au bœuf, à l'agneau ou encore au mouton. Je viens du Maghreb, dont je ne suis pas monsieur Zumbrumbr. Et on m'accompagne souvent avec du couscous. Je signifie également une farce ou un piège dans notre radio chérie. Qui suis-je ? Une merguez. Merguez, bonne réponse. Allô, Jack. Mais ouais, c'est bonne réponse. Ouais, sur le fil, hein, cela dit. Hein. Ouais. C'est rare que j'arrive à aller jusqu'au bout sans que Sandro me fasse chier. Ouais. C'est assez rare, c'est assez rare. Deuxième question. Revenir, si tu veux, hein, si je te manque. Non, non, c'est rare. Deuxième question, vous êtes prêts ? Prêt. Attention. Top. Je suis une série américaine de 139 épisodes de 47 minutes. Pour être précis, j'ai été créé entre 1977 et 1983. Mon histoire représente le travail quotidien d'une brigade de la police autoroutière de Californie. Chips. Chips, effectivement. La California Highway Patrol. Et plus particulièrement de deux policiers surnommés John et Poncherello. Je suis aussi né à New York grâce à George Crumb qui m'a inventé. Et je suis connu au Québec et au Canada sous le nom de Croustille. Je suis une fine tranche de légumes ou de fruits frites. Dans l'huile quoi, on vous a dit. Attention, je peux être constitué de tapioca, mais je suis souvent faite de pommes de terre assaisonnées de sel ou d'autres condiments. Je suis donc un chips. Ah, on parlait de la série. On parlait de la série là. Oui, mais c'est pareil. Au moment où t'as dit Toff, il avait pas fini sa phrase, Michael, et c'est parce qu'il l'a fini que t'as trouvé la réponse. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Bon, un partout. Vous êtes prêts ? Prêt. Attention. Top, je suis une ville dans le sud de la France. Je suis l'une des métropoles d'équilibre de France. Une partie de la ville, le port de la Lune, est classée depuis juin 2007. Marseille ? Non. Amélie. Toulouse. Non. Au patrimoine. Montpellier. Non. Au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, pardon, pour l'ensemble urbain exceptionnel qu'il représente. Je peux vouloir dire extrémité de flotte comme je peux être une couleur. Tout dépend de comment on l'utilise. Bordeaux, bonne réponse. Je suis plus précisément dans le sud-ouest de la France, dans la région Aquitaine. Je suis connu pour être la ville de Pedro, pour mon bon vin et pour ma désormais très bonne équipe de foot qui est championne de France en titre. Je suis donc effectivement Bordeaux. Eh ben bravo à toi, Marie. Merci, Jack. C'est gagné. Bon, eh ben il n'y a pas de problème, tant mieux. Marie, je te fais des gros bisous, tu repars avec les cadeaux, je te renvoie chez Michel au standard. Amélie, malheureusement, tu repars les mains vides et tu ne repars même pas avec le corps de Toff. Et pour la peine, c'est toi qui as du cul, hein. Oui. Alors que moi, j'aurais aimé avoir aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Bon, je te fais des gros bisous quand même, Amélie. Oui, moi aussi. À bientôt. Salut. Et on rejouera bien évidemment question pour une réponse demain dès 21h. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez QPR avec votre numéro de téléphone. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de question pour une réponse. Tu regardes le foot, Sandro ? D'accord. Non, parce qu'il y avait le foot devant et derrière moi, mais par contre, il y avait Super Nani sur MC. Je me dis, tiens, c'est bizarre qu'elle regarde le foot avec autant d'attention. Surtout un match qui s'en branle, enfin, qu'elle s'en branle complètement. Ah, il y a l'entraîneur. Il y a l'entraîneur que j'aime bien. Oui, c'est vrai que c'est le Barça qui joue. Ouais, c'est il y a Pep. Ouais, c'est vrai. Son prénom, hein, désolé, il s'appelle Pep. Bon, et sinon. Il s'appelle Joseph. Ouais. Et sinon, Super Nana, c'est Super Nani, c'est bien ? Super Nana. Ouais, bah ouais, une famille de 12 gosses. C'est ce que j'en marrant à voir. Dans le Nord ? Je sais pas, j'ai pas le son. Non, 12. En général, c'est dans le Nord. Je sais pas s'ils ont... Ouais, à peu près 12, non ? Je sais pas, mais il y en a beaucoup. Facile, 10. 12 gosses. Ah, il y a pire. Hein, ouais, y a bon, pire, j'en rajoute peut-être, mais il y en a facile 7. Ah oui, donc c'est moitié moins, non, quoi. Non, minimum 7. Non, non, il y en a plus. Il y en a plus que ça. Déjà, t'es Marseille. Il y en a entre. Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Ok, on aurait pu. Je suis juste un peu mythomane, mais. D'accord, d'accord. Bon, on va revenir. Ah oui, d'abord les résultats. Alors, qui c'est qui? Est-ce que j'avais dit le plus mal habillé, je lui donnais ma carte de crédit pour qu'il achète pour 100 euros. Tu vas pouvoir te faire plaisir, je crois. Ah. Je suis dégoûté. Ouais, Mike, il finit avec 35%. Parfait. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai 23. Et puis après, c'est Micha 14, Polo 10. Non, mais c'est ouf. Sandro 8, Roux 5%, Pedro 3 et Jack 2. Donc c'est. Ah non, c'est moi qui gagne. Pedro, ouais, Pedro et Jack, c'est pas, c'est pas terrible. Quoi. Voilà, ça dépend des goûts des gens. Hein. Après, ils ont peut-être mis le truc à l'envers aussi hein, en votant. Enfin, moi ça m'arrange, comme ça, moi je peux m'offrir pour 100 euros de fringues. Ah, c'est. Disons que Pedro et Jack ne prennent pas beaucoup de risques. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on n'avait pas prévu en même temps. C'est vrai. Sinon, je me serais foutu à poil pour gagner 100 euros. Ouais, eh bien, c'est perdu, Roux, et ça me fait plaisir. Bon, allez, dans un instant, on s'envoie le son belge de Stromae avec Alors on danse, un son que je vous ai fait découvrir il y a quelques mois, juste avant, bien avant les vacances même. Stromae qui passe maintenant avec Alors on danse dans moins de 3 minutes. Bouge pas. Bouge pas. Jack passe le balai dans le studio. Alors, charge le nouveau modèle. Il élimine tout sur son passage. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà le son de Stromae à l'instant avec Alors on danse sur Énergie. Et comme tous les soirs, on est là entre 21h et minuit. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Quel poucave. En tout cas, t'as grossi, hein. Ah ouais, le régime, c'est Pablo, ça n'a pas fait effet. Hein. C'est Pablo qui est assis à sa place. Voilà, c'est ça. Mais tu t'es assis dessus, Pablo? Ouais. C'est la sonde. Schmott. Schmott. C'est pas très grave. Bon, dans un instant, on se mettra un petit System of the... Bon, c'est pas possible, Sandro qui est pas là. Micha qui s'est dit, je vais me reposer. Je vais faire comme le public. Il est sur le canapé. Je vais faire comme si j'étais le public, ça va être cool. Mais c'est pas possible. Micha, retourne au standard. Allez hop. Ah, il va sans rythme. Ah, il y va, hein. Tranquille. Ouais, bah attends, hey. Tout le monde est en mode décontraction, là. Décontraction. Sauf toi, voilà, qu'est-ce qu'il y a. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Bon, dans un instant, System of a Down, comme je le disais. Et puis, on va passer au P-Wallow Show. Ouais, on va. Allez, c'est parti. Salut, c'est Ami, vous êtes sur le blog. P-Wallow Show. Eh ouais, ça déchire. Ouais, ça déchire. Eh, faut vraiment régler quelque chose dans le casque, je sais pas quoi, parce que le son est. Non, mais je jure que c'est toi qui a un problème. Hein. Ah non, c'est vous qui. Il y a un truc. Je m'excuse, mais deux grandes stars. À ton aise, Roux. C'est une sorte de cadeau Polo. C'est Roux qui se prend pour un DJ. David et Jonathan. Oh là là, est-ce que tu viens pour les vacances? C'est quoi ton délire? Bon, Roux va mixer tout au long de la soirée. Ne restez dans le Polo Show, on va se faire un DJ Roux. Ah oui, on est dans le Polo Show, je tiens à vous préciser. On écoute un peu de pub et on se retrouve juste après. Le mouvement emo avait sa musique emblématique. Le emo core. Le mouvement emo avait sa musique pour danser et pour crier sa peine. Le emo R&B. Maintenant, le mouvement emo, pour bien se démarquer, a carrément sa propre maladie. Les emo-roïdes. Vous aussi, soyez un vrai emo et ayez mal au cul. Chopez des hémorroïdes pour devenir un vrai emo. Je tiens. Nous sommes The Asteroids Galaxy Tour. C'est vrai. Ouais, de retour dans le Polo Show. Je disais que je tenais à préciser que je n'étais pas responsable du contenu publicitaire de cette émission. C'est le Roux qui mixe, je sais pas ce qu'il est en train de faire là. Il s'est pris pour un DJ. Bon bah il fait ce qu'il veut en même temps. Allô, qui est là? Allô. Cat Stevens, je t'écoute, qui est là? Oui, comment Eva. Bien, ah, c'est Monsieur Zambor en bord. Non, je m'appelle Géloué, en fait c'est un prénom composé qui vient de l'Occident. T'as pas changé. Non, bah, les résolutions, c'est de la merde, donc j'en ai rien à foutre. Quoi, hein. Qu'est-ce qui se passe, Gilles-Louis, de l'Europe occidentale? Je voulais te souhaiter bonne fête, bonne année. Merci. Et puis que je ne sais pas si tu fais notre fête à nous aussi. Ah non, c'est quoi votre fête, monsieur Zambor en bord? C'est la Harat. Tu ne connais pas la Harat? C'est quoi la Harat? C'est une fête assez sympa où on égorge une pastèque. Et donc, voilà, ça coule partout. Bon, écoutez, sympa. J'aime bien faire partager. Est-ce qu'on peut arrêter de faire ça, s'il vous plaît? Parce que ça me saoule. Est-ce qu'on peut faire partager aux gens, s'il vous plaît? Excuse-moi, je comprends pas. Si vous voulez vous amuser, j'arrête. Et vous faites ça entre vous. J'ai un problème dans l'oreille. Bon, monsieur Zambor en bord, vous lisez quoi en fait? Petit problème avec Audifon, faut que je mette un truc. Bon, vous visez faire la halate avec la pastèque, c'est oui, ça? Oui, donc c'est une halate, c'est une fête assez sympa en fait. C'est on égorge une pastèque. Et en fait, dans l'ancien temps, dans l'Europe occidentale, on égorgeait des pastèques comme ça, on les trouvait, elles tombaient par terre. Donc, on les égorgeait, c'était assez. Bon, monsieur Zambor en bord, je vais vous arrêter parce que. On va aller loin. Au revoir, monsieur Zambor en bord. DJ. Merci. Quoi? Je me souviens pas, moi. Tu vois que j'écoute des daubes comme ça. Et tu es en train de faire un blind test? Ah bah ouais, c'est pas. Non, mais je sais pas. Bon, allez. Merci. Ah. Qui est là? Oui, allô? Bonsoir, maître Peters. Oui, bonsoir, monsieur Dupolo. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelais pour souhaiter un joli Knivyar, hein, et puis un peu pour quoi? Un joli Knivyar. Un joli Knivyar. Oui, c'est presque du ça. D'accord, Ok, d'accord. Et alors? Oui, c'est la nouvelle année. Hein. Bah, merci. Ah, bah, de rien, non, parce que c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, le début de l'année, tu appelles les gens pour souhaiter bonne année. Alors, moi, j'appelle pour dire mon bon vœu. Hein. Ok, bon vœu. Bon vœu, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme t'as dit. Ah oui, d'accord, oui. Oui, ça c'est du bien, parce que là, en fait, j'étais en panne avec le caravane. D'accord. Et oui, donc en fait, j'aurais. Il va nous raconter sa vie, là. J'aurais espéré que tu peux venir m'aider avec mon caravane. Ben, j'arrive. Je vais la tirer avec mes pieds. Oui, parce que, en fait, le problème, c'est que j'ai le pneu, il est, comment dire, tap, hein. Et en fait, j'ai pas le roue avec le secours. Donc, en fait, si tu pouvais prendre un roue de le secours, parce que sinon, il faut le remplacer, quoi. D'accord, on fait ça, maître Peter, j'arrive. Oui, parce que c'est embêtant, là, tu vois, je suis quand même sur le bord de l'autoroute et je devais aller au camping avec le caravane. J'arrive. Hein. Oui, mais tu arrives dans le combien de temps à peu près? J'arrive là. Je prends la. Ah, oui, parce que bon, ça commence à être un peu froide là et j'ai peur avec qu'il fasse neigeuse. Réchauffez-vous, maître. Vous mettez vos mains dans vos couilles. Oui, ah oui, c'est comme ça j'ai chaud. C'est chaud, voilà. Ah oui. Bon. Ah oui, c'est une bonne idée que tu as, toi, hein, des fois. Allez, au revoir, maître Peters. Oui, dans le bonsoir. Dans le bonsoir. Dans le à tout à l'heure, alors je t'attends comme ça sur le route et tu c'est viens avec le roue. C'est ça. Ah oui. Allez, au revoir, maître Peters. Oui, dis bonsoir. Dis bonsoir. Qui est là? Attends, ça mixe. Qui est là? Vas-y, la mixe. Ah, je connais ça. Les vœux de toi. Julie Pietri. Bravo. Allez, enlève-moi ça. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? C'est quoi ton prénom? Espèce de petit idiot Thomas. Tu peux pas dire c'est Thomas? Non. Si, c'est Thomas. Thomas? Thomas? Oui. Soit tu réponds normalement, soit je te raccroche au nez. Bah attends, tu me laisses pas. Alors casse-toi d'ici. Oh là là, qui est là? Attends 12 minutes. Musique. Ah, il est mauvais, putain, t'es vraiment. Qu'est-ce qu'il est mauvais? Allô? Madonna. Isla Bonita. La Isla Bonita, ouais. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Pas ça. Si, c'est Madonna. La version espagnole. Bon, roue. Spanish Lullaby. Ah, Spanish Lullaby. Ah, c'est vrai, mon pote. Ah, ouais, c'est vrai, il a raison. Qui est là? C'est vraiment un connard, ce mec. Allô? Allô? Ouais, poivron. Salut, poivron. Comment ça va, monsieur Darbon? Darbour. D'Auvergne. Ouais. Je vais te souhaiter une bonne année. Merci, poivron. Tu m'as compris? Oui, je t'ai compris parfaitement bien. Ouais, comment ça, ça va mieux? Ça va, qu'est-ce que tu... Je comprends de mieux en mieux. Je voulais dire... Je voulais dire que j'avais pris une bonne résolution. C'est quoi? Je vais arrêter de boire de l'eau. J'ai arrêté de boire de l'eau. Bon, qu'est-ce qui se passe, donc, Patrick? Je voulais dire aussi, j'étais loupé hier parce que je savais pas que c'était avant minuit. Ah voilà. Oui, c'est une nouvelle horreur. C'est une horreur. Promotion, hey, le talent, ça paye. Ouais. Je augmente de demi-heure en deux demi-heures. Hey, dans 20 ans, tu seras à 21h. Oui, mais s'il reste fait deux minutes, toujours, ça sert à rien. Bon, poivron, mène-toi, on ouais. a foutre. Je voulais dire, je t'ai écouté aussi pendant... Je voulais t'écouter pendant les vacances. Ouais. T'étais pas là. Non. Alors, monsieur, prends les vacances pendant les vacances. Patrick. Oui. On va y aller, là, ça pousse. D'accord. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Attends, je vais quand même dire. Mécano. Enlève, je déteste cette chanson. Oh là là, quelle horreur. Pourquoi? C'est la meuf est dégueulasse. Ah, quelle horreur cette langue. Merde, poivre raccroché. Qui est là pour terminer le polo show? Oui, monsieur. Bonsoir. Ouais. Elle est là, Sabra? Non, elle est pas là. Polo? Quoi? Ça pousse, là, c'est fini. Ah ben allez vous faire enculer. Mais avec plaisir. Vous êtes pas chanté deux heures dans un téléphone de merde pour deux bandes de connards comme vous. Alors soit vous faites un blind test ou vous allez te faire foutre, vous battez plus. Blind test pour monsieur. Vas-y. Vas-y le vieux, tu connais ça. Ta gueule, toi, espèce de rouquin, là. Eh, hey, monsieur, c'est pour vous, là. À la fin du polo show, seras-tu là? Michel Berger. Ah bah oui, mais bon, ouais. Moi, je ne garde pas les moutons. Monsieur, hey, hey. Ah bah, c'est le même. Vous avez pas entendu la vanne? Michel Berger, je ne garde pas les moutons, il a dit. Un autre pour monsieur. Le paradis blanc. Chut. Always love. Oh ouais, bah, pas moi, dis donc, Jack, tu envoies des textos, tu joues pas, c'est tout, ok? Oh! On dirait le Oh, sur la colline, oh putain, ça me rappelle quand je bourrais maman. Ouais, non, pas bon les gars, là, c'était plutôt pour mon daron, ça. Ah, vous connaissez pas ça? Non, mais c'est fini, c'est fini, c'est fini, là. Ça, il y a le téléphone qui... Il est minuit, il faut rendre le téléphone. Monsieur, on va y aller. Encore un polo, encore un. Ah, un dernier. Alex, bonne chance. Que la star mette du son. Il faut rendre l'antenne. Oui, bah c'est moi qui décide encore quand on la rend. Non, bah non. Ah oui, c'est plus moi. Petite sœur en Phil Winter. Non. Monsieur. Eh. Il y a un challenge, là. Oh putain, attends. Ouais, c'est... oh putain, je sais, c'est votre dindonne, là. Attends. L'artiste était bon. Mais moi, j'ai pas ce titre-là. Ah. Petit frère, non? Ouais, non, non, c'était l'âme, c'était la truie, attends. Oh, elle pleure. On me crie, elle pleure. Elle pleure. Oui, elle pleure, elle pleure. Bah, ouais, oui, bon. Ouais, c'est elle pleure, petite sœur. Bravo, monsieur. Eh? On va y aller, allez. Eh, Polo? Vite, fiche-moi le camp. Eh, Polo? Quoi? Est-ce que je peux dire quelque chose à Ikaël? Vite alors. Eh, Ikaël, tu m'entends? Eh. Ça va mieux, ta chiasse? Ça va, ouais, c'est Polo qui l'a maintenant. C'est pas vrai. Ouais. On est où au niveau d'audience? Bah ça va, hein, comme d'hab. Hein. D'accord. Bon, on va y aller, monsieur. Allez, un soir à la maison. Non, allez, casse-toi. Allez, à ce chef le polo show, merci à ceux qui l'ont goûté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas. Très bien. Ah, c'est tout là, comme ça? Oui, bah oui. Ah bah non, bah, très bien. Il est minuit, hein. C'est vrai. Bon, Hit Music Only toute la nuit sur Énergie, puis on va se quitter maintenant avec le son que je vous avais promis tout à l'heure. System of a Down. Le chanteur Chad Kruger. Non, c'est parce qu'il m'a foutu dans la merde, notre con là, le roux avec toutes ces musiques de merde. Mais non, j'ai plus le temps de le dire. Bon, System of a Down avec Lonely Day sur Énergie. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, should be banned. Can't stand. The most loneliest day of my life. such a lonely day, and it's mine.